Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Salut et bienvenue dans le Riff Machine. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un hors-série consacré au cinéma et sa musique. Et pour cela, je suis accompagné de Théo. Ça va? Salut, je suis là. Et Nelson. Salut, très bien. La forme? Ça va. Et Romain? Ça va? Ça va bien, et toi? Oh, ça va, nickel. Ça te fait pas un peu bizarre que je te pose cette question hein? Oui, c'est vrai que c'est bizarre, là. C'est l'impression de faire dans l'inception, mais c'est pas grave. J'aime bien. Bon, et moi, c'est Ponda. Il faut que je vous raconte comment on est arrivé à vouloir parler de The Crow, un film de 94 d'Alex Proyas. Du coup, c'est moi qui vais avoir roté à ta place, c'est ça? Ouais. Ah putain, quand Romain m'a parlé de se faire un hors-série, j'ai dit pourquoi pas. Quand il m'a dit c'est toi qui présenteras, j'ai rétorqué Inch'Allah. Bon, j'avoue, j'avais un peu les miquettes. Hein, mais... Quand il m'a précisé sur le cinéma, j'ai répondu mais grave! Je me voyais déjà en train de débattre avec vous de tout cet univers de films d'horreur et gore, souvent associé au métal, où moult litres d'hémoglobine et kilos de tripes coulaient. Quand il m'a dit un film avec une bonne bande son, j'ai mis de côté la grande majorité des séries Z que j'avais en tête, mais j'ai pensé direct à Schwarzy dans le rôle de Conan avec sa putain de BO de Brad Pelgouris. Et puis un personnage bien badass qui a inspiré grandement les pochettes de Manowar, ça sonnait grandiose à tous les états. Après, il m'a dit ça sera The Crow. Bah j'ai plus rien dit. J'ai eu trois petits points sur le truc. Il commençait à écrire mais il n'y avait plus rien fait. Bâtard, t'as niqué mes rêves B aussi hein, quoi. Je suis passé du mec bodybuildé qui désingue tout avec une putain de hache à un fragile gothique qui se fait mener par le bout du nez par un corbeau. C'est clair. Je suis colère comme Mulky dans le générique. Comme Moki. Putain, je sais pas pourquoi, je me confonds toujours avec ce jeu de quilles, ce mec. Pour la peine, je vous fais le synopsis en fable. Maître Corbeau, sur une tombe perchée, tenait en son bec l'âme d'Eric Draven, guitariste rock violemment assassiné par la bande de Top Dollar tout juste un an auparavant, après avoir assisté, impuissant, au viol et à l'égorgement de sa femme. Maître Draven, par l'odeur alléchée de la vengeance, sortit de sa tombe et dit « Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Guidez-moi donc vers des vêtements gothiques et les méchants qui ont buté ma femme et moi-même, que je les égouille les uns après les autres. » C'est une fable comme ça, c'est une fable. Pour les fables, les gens parlent comme ça. Ok. Bref, vous êtes bien dans le Riff Machine et aujourd'hui, on va vous parler de The Crow. Allez, moteur, putain. Il y a longtemps, les gens croyaient que quand quelqu'un meurt, un corbeau emporte son âme jusqu'au pays des morts. Mais il arrive parfois, quand des choses trop horribles se sont passées, que l'âme emporte avec elle une immense tristesse et qu'elle ne puisse pas trouver le repos. Et quelquefois, mais seulement quelquefois, le corbeau peut faire revenir cette âme pour que le bien reprenne ses droits sur le mal. On va commencer par les origines du film. Tout le monde sait ici que ça a commencé par un comics. Ouais. Romain, toi tu l'as lu, toi aussi Théo? Ouais. Alors, j'ai pas lu moi. Toi tu l'as pas lu? Tu l'as jamais lu? Non, jamais lu. C'est dingue, non? C'est sur ton étagère. Attends, Nelson, ça fait 30 ans qu'on se connaît et t'as jamais lu la BD, quoi. C'est incroyable. Non, j'ai vu le film très jeune, mais non, j'ai jamais lu. T'as jamais lu la BD, d'accord. Alors, moi, j'ai acheté la BD après le film, pour le coup. Ouais. Parce que je sais qu'il y avait des éditions françaises qui étaient sorties. Et, mais c'était sorti par numéro en fait, ça n'a jamais été sorti ensemble. Moi, ce que j'avais acheté, c'est la version intégrale qu'on avait eu en France, traduite, etc. Ouais, il y a eu plusieurs numéros. Mais j'avais acheté la BD bien après avoir vu le film. Bon, j'étais assez un peu pas décontenancé, mais c'est vrai que la BD est quand même très très différente du film parce que oui, elle part un peu dans tous les sens. Il y a des poèmes, il y a des textes de chansons de Joy Division dedans qui sont exposés. Mais le The Crow, le film, c'était surtout la fiche que j'avais vue à l'époque au cinéma, j'avais 12 ans, comme ça. Ouais. Et le film, tout de suite, je me suis dit, putain, c'est génial, j'ai trop envie d'aller le voir, etc. Ma mère m'a dit, non, c'est trop violent, et tout, machin, et bon. Et donc, du coup, moi, j'ai regardé beaucoup plus tard quand c'est passé sur Canal Plus à l'époque, et j'ai vu le film, et j'ai pas du tout été déçu. J'avais déjà eu beaucoup de bandes annonces, j'avais lu des trucs dessus, parce que je disais Mad Movies, donc j'avais déjà connaissance de toute la légende qu'il y avait autour du film. J'ai plus connu que le film lui-même, finalement. Voire plus, ouais, tu as peut-être raison, moi je pense que c'est ça. Moi j'ai beaucoup aidé au statut de culte de ce film. On reviendra là-dessus un peu après, quoi, parce que là pour l'instant on va se concentrer vraiment sur les origines. C'est-à-dire que bon, bah, James Hobart, le dessinateur en fait, du comics, ça a été publié déjà, The Crow, ça a été publié en 89. Mm. Et pourquoi il a fait ça, James Hobart? bah en fait c'était une façon d'exorciser sa propre peine parce qu'il a vécu une histoire qui était quasiment similaire quoi. T'as quelque chose là-dessus ? Non, pas du tout. Mais ok, bah alors écoute bien. Non mais déjà de la tragédie même déjà au début quoi, genre à l'origine. C'est un peu sa vie qu'il a retranscrit en BD. En fait ouais, c'est sombre. Dans les années 80 en fait, le mec il vivait le parfait amour avec sa nana. Il se passe quoi ? Elle se fait faucher par une voiture, un chauffard ivre. Du jour au lendemain il s'est retrouvé tout seul et puis surtout très triste. Donc pour oublier un besoin d'exorcisme. Pour oublier tout ça, je crois qu'il s'est cassé à l'armée faire des dessins de manuel. Okay, un truc rien à voir quoi. Et puis quand il est revenu de l'armée en 81, il a commencé à dessiner et il a créé The Crow. Il parle de l'histoire dont on vient d'évoquer. D'une dana qui se fait buter et puis le mec qui revient à la vie pour se venger quoi. Et en fait, c'était une façon pour lui de. On a dit exorciser tout à l'heure, mais lui il avait vraiment envie de buter en fait le chauffard en question quoi. Ouais. Donc il le faisait pas en vrai, il le faisait sur voilà, papier. Il l'a fait avec sa BD quoi. Ouais. Et, d'ailleurs dans la BD, d'ailleurs c'est là on pourra noter la différence avec le film, c'est que le meurtre de la copine d'Eric Draven, ça se passe sur le bord d'une route d'ailleurs. Ils sont en bagnole, ils attendent, et puis il y a même un rêve, oui, c'est ça. À un moment donné. Ouais. Bon, en fait, ça se passe directement, c'est pas comme dans le film. Dans le film, c'est très. Dans le film, c'est dans leur appartement. Voilà, c'est dans leur appartement, etc. Alors que dans la BD, t'es rond sur une espèce de plaine un peu. Ils sont sur le bord de la route, ils sont sur le bord de la route, je pense. Et puis là, il y a une voiture qui arrive. Une voiture qui arrive, et là, tout d'un coup, il y a toute cette violence qui va arriver, etc. Et donc, en fait, il a transposé d'une autre façon. Dans le film. Ouais. Voilà, et dans le film, et dans la BD, lui, il a transposé différemment la tragédie avec sa copine, la copine de James Bar, qui a été fauchée. Et dans la BD, c'est vraiment. C'est froid, quelque chose. Ça se passe comme si tout d'un coup l'horreur arrive trois cases plus tard, tu vois, alors qu'il y a un amour fort, tu vois, qui existe entre les deux, quoi. Et moi, je me sens que c'est un truc qui m'avait beaucoup touché. En tout cas, la création, pourquoi il l'a fait comme ça. Mais du coup, dans le film, du coup, c'est une histoire de viol, donc. Est-ce que vous savez pourquoi il a changé de. Je pense que vu ce qui lui est arrivé, il a eu envie de fantasmer un truc en fait. Ouais, bah alors, quelque chose de plus violent. C'est pas, alors, c'est pas lui qui l'a choisi directement, parce qu'en fait, le comics, il avait fait de l'œil à Mosdiouf, j'allais dire, mais. Quoi? À Moebius, c'est ça que je voulais dire. Je sais plus, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle Most quelque chose, Edmost, je sais plus. Elon Musk? Non, je me rappelle plus, aidez-nous! On sait plus le nom du producteur. Mais il y avait un auteur de SF aussi qui était dans le lot là. Et au final, c'est Pressman qui a récupéré. Ah oui, Pressman, c'est le producteur, il a récupéré les droits. Et il y avait l'auteur de SF en question, dont je peux pas oublier le nom. Ils ont décidé de réécrire le truc, mais du coup, tu vois, ils sont pas fiés à l'histoire originelle, et ils l'ont adapté pour faire quelque chose d'encore plus brutal. C'était peut-être pas assez violent la façon dont ils se sont dans le comics. Et puis ça donne lieu à ce premier. Ça justifie la violence, la vengeance, pardon, avec les personnes qui étaient. Deux personnes qui ont violé sa meuf dans le film. Oui, et puis par rapport à ce que tu disais, c'est que c'était il a violencé le truc encore plus par rapport à son histoire personnelle à lui. Il l'a rendu encore plus bourrin dans la BD parce que bon, forcément, il était habité d'une colère, il passait par des périodes un peu alcooliques, etc. Donc forcément, il y avait tout ce truc qui était il était pas bien. Il avait ce besoin de rendre le truc encore plus bourrin qu'il était. Et en plus, quand tu regardes la BD est en noir et blanc. Oui. Il n'y a pas de couleur, le sang n'est pas visible. En tout cas, tu l'imagines très bien que c'est du sang, mais c'est que du noir et blanc. Ça fait penser un peu au BD de Frank Miller, donc de Sin City, tu vois. Il y a vraiment ce côté genre clair-obscur, tu vois, que tu vois beaucoup dans la BD. Et quand tu lis l'histoire, quand tu lis l'interview du gars, etc., et que tu lis la BD, tu comprends où est-ce qu'il voulait en venir, quoi. Il voulait en venir. Le mec, il a perdu sa meuf. Il est désespéré, voilà quoi, le truc qui te sort, c'est un truc ultra violent, ultra bourrin, très sexy à la fois parce qu'il avait cette culture musicale et imaginaire qui l'habitait. Et du coup, bah oui, dans la BD ça se ressent, quoi. Ça se ressent vraiment, tu sens qu'il y a une beauté et je pense qu'il l'aimait profondément. Ah oui, tu le sens, dans la BD, ça, le mec il est complètement amoureux de cette fille. il l'a perdu et c'était un déchirement, et ce déchirement c'était... Et on entend le corbeau là. Ouais, le corbeau il s'en rappelle. Hein. Ah, mais, et ils le savent, hein, c'est con. Hein, c'est dès qu'on parle de ce film, de toute façon. Ah, dès qu'on parle de ce film, de toute façon, il y a... Voilà, c'est pas des effets spéciaux. Ouais. Il tourne autour de nous. C'est pas du rajout, c'est... Non. Enfin bref, en tout cas c'est une histoire tragique, avec une bande dessinée magnifique et retranscrit à travers un récit imaginaire, exaspéré, mais... Et du coup, faut voir que le comics avait déjà eu beaucoup de succès. Quand c'est ça. Sorti. En fait, déjà, quand il l'a fait, déjà, si je me permets de revenir un peu là, quand il l'a fait en 80, quand il le présentait... 89, t'avais dit 89, ouais. C'est sorti en 89. Il sorti en 89. Il l'a dessiné en 80. Et en fait, pourquoi ça a mis autant de temps? C'est parce qu'en fait, le mec, il était déjà tellement dépressif, qui rendait un travail un peu aléatoire. C'est-à-dire, il y avait un nombre de pages un peu chelou. Ouais. Et c'était... on retrouve déjà en fait dans le comics tout l'univers gothique et ultra violent en fait, qu'on a dans le film. Et ça plaisait pas forcément à cette époque-là. Trouver un éditeur qui disait allez banco, c'était chaud quoi. Donc bah en 89 ils ont trouvé une maison d'édition, enfin il a trouvé une maison d'édition et puis c'est sorti. Et oui, il y a eu un vif succès. Et c'est pour ça en fait que ça a intéressé directement le cinéma. C'est vrai que t'as raison dans le côté quand il dit il sort les trucs de façon complètement aléatoire, parce que c'est, même quand tu lis la bande dessinée, c'est vrai qu'elle-même a l'air bancale en fait. Oui, les chapitres sont pas clairs, t'as l'impression qu'en fait faut que tu remettes un peu comme Pulp Fiction, c'est-à-dire que faut que tu remettes un peu les choses dans l'ordre en fait, tu reviens en avant, tu vas en arrière, etc. C'est pas toujours très clair, et ça se ressent dans la BD, et je pense que c'est comme ça qu'il l'a fait, et c'est comme ça qu'elle a été retranscrite. Et vous imaginez pendant plus de 8 ans en fait il a ruminé ça quoi. Et en fait tant que c'était pas sorti il était toujours au fond du gouffre le mec. C'est t'imagines. C'est 8 ans de dépression. C'est sa première BD, il n'y a pas eu de. Je sais pas s'il faisait. Alors un truc avant, moi j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et c'est vrai que pour le coup The Crew ça reste son truc le plus. Successful quoi en fait. Quoi. C'est, ouais, mais il avait sorti quand même d'autres trucs alors. Il a peut-être sorti. Alors, je les ai pas en tête, mais c'est vrai qu'il avait sorti d'autres trucs. Mais The Crow, ça restera son œuvre principale. C'est quoi. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, il va te signer encore en convention des trucs sur voilà. The Crow, etc. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, je veux savoir. Bah, si tu nous écoutes, hein. Sois pas triste, mec. Un gros câlin. Une de perdue, 10 de retrouvée. 10 de retrouvée. Oh putain. Affreux. Ah, c'est pas grave. Peut-être retrouver en 10 alors. Ah mais il y a plein de poissons dans la mer de toute façon, là, c'est bon. C'est horrible. Alors, en tout cas, c'est vrai que ça reste son, James Over, ça reste son œuvre principale. Quoi. C'est, Donc The Crow, donc le comics, gros succès. Et là, ça intéresse. Droit à racheter, cinéma, Hollywood. Hollywood, tout surtout ça, qu'on est à une époque où, dans les années 90, où genre l'adaptation de comic book dans le cinéma hollywoodien de manière générale, c'est quand même toujours très compliqué. Bah, il y avait déjà des choses, hein, je pense que. Alors, oui, parce que le truc, c'est que t'avais déjà le Superman de Richard Donner qui était déjà sorti, qui était un très gros succès, le 1 et le 2. On pouvait oublier le 3 et le 4, c'est une catastrophe. Mais il y a eu le Batman en 89 de Tim Burton qui était sorti. Donc les comic books, on se dit, bon, ça va, c'est adaptable. Ah, mais là, on parle de super-héros, là, et parlant de. Là, c'est... Là, on parle de super-héros, mais. Mais genre, quand tu vois le Batman de Tim Burton, ouais. Vas-y, va le vendre, quoi, parce que c'est un hyper, hyper dépressif, on hyper en sombre. Parce que justement, tu sais. Il y a vraiment une similitude entre le Batman de Tim Burton et le film Mais ça se voit. Mais c'est, et donc en fait, Hollywood veut toujours adapter les comic books parce que ça fait très longtemps. Il y a déjà eu des Spider-Man ou des Captain America qui ont déjà été adaptés. Mais là, tout d'un coup, bon, Hollywood se dit il y a eu quelques succès, ça marche, etc. Donc forcément, ça s'intéresse un peu à taper large dans les comic books. Et forcément, oui, il y a The Crow, c'est un succès. Du coup, oui, forcément, on va chercher à l'adapter comme... Tout n'importe quoi, dès que c'est un succès, un livre ou une BD, on va l'adapter. Quoi. Du coup, il y a Miramax qui s'intéresse à ça pour produire le film et le faire. Ouais. Et juste pour finir avec le comics, parce que j'avais oublié cette histoire, quoi. Bon, on voit bien qu'il y a un gros côté musical dedans, parce qu'il cite beaucoup de paroles de David Bowie. Il y a autre chose en fait, ça pense de fouiller un petit peu. James O'Barr a fondé un groupe de musique, rendre un côté audible, une sorte de bande son à son comics. Il a fondé un groupe qui s'appelait Trust Obey. Voilà, ils ont fait un CD qui collait à l'ambiance en fait, du comics. Et en fait, ils ont fait un album et puis... Genre l'album que tu peux écouter quand tu lis la BD. Voilà, c'est ça. C'est bien, t'as écouté. J'ai pas écouté. Je suis même pas sûr qu'on puisse le trouver. Il faut acheter les choses à moitié, quoi. Non, mais avec un peu de chance, là, peut-être que je trouverai un extra et puis... Donc au film, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a... oui, c'est John Shirley, l'auteur de SF, là, qui va aider Pressman qui a récupéré les droits. Pressman, c'est pas n'importe qui, c'est un gros oui, producteur. Il sort pas n'importe où, mais... Il a fait, déjà en 94, il avait déjà plus de 50 films à son actif, produits. Il avait fait Conan le Barbare, tiens. Ah bah tiens. Phantom of the Paradise. Voilà. C'est rock movie. Et alors comment il décide de confier le film? Pourquoi il décide de confier le film à ce mec Alex Proyas qui avait pas grand chose encore à l'époque, surtout des clips je pense. Ouais c'est ça, il avait fait beaucoup de clips. Pourquoi? Parce qu'il voulait... Par exemple. Ouais, les clips de NXS, il avait fait connaître. Ah il a même dirigé The Cure. Voilà The Cure. Alors donc Alex Proyas il a déjà fait un bide au cinéma. C'est bien. Avec Proyas qui commençait par ça. Ouais. Donc il avait fait un premier effort cinématographique qui s'appelle Spirits of the Air, Gremlins of the Cloud. Écrit, produit et réalisé en 89. Oh you fucking beauty. Yes. Yes. Yes, that's it you off the come on mate. Okay. Go. Alors, est-ce que ça a un rapport avec vraiment la trilogie Gremlins ou pas du tout? Non, ça n'a rien à voir. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il a fait un Troll 3 qui s'appelle Gremlins machin? Voilà, c'est ça, et en tout cas, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Regina 4. Robocop 18. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est Pressman qui propose Alex Proyas, bizarrement. Alors en fait, bah pourquoi? Parce que c'était un mec, on va dire qu'il avait déjà la culture musicale qui collait à John Sobar. Comme il était assez jeune, il avait peut-être assez de recul pour donner une image proche de la poésie et puis de la violence que proposait John Sobar. D'accord. Avec son comics. Je sais pas, après peut-être qu'il a sucé. Hein. Peut-être. C'est pas impossible dans ce milieu. Et surtout, ce film est quand même connu pour Brandomi et ce qui s'est passé On en parle maintenant, le casting, le fils de Bruce Lee qui était déjà... Qui est déjà la star de combat, de fight qu'on connaissait. Et là, Brandomi qui avait encore rien fait... Il avait déjà joué dans un film. Ton patron, c'est un gras d'enfoiré de bol de riz. Refuse de me donner ce qui devrait me revenir de droit. C'est le fumier de macaroni. Putain d'enfoiré. Laissez-le moi. Jake était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y avait un Shintok là, avec une veste noire. Il était là, il m'a vu flinguer le champ. Attendez, grouille. Et désormais pour survivre. Le cet enfoiré. Il ne pourra compter que sur lui-même. Ah, ce connard m'a pété le nez. Rapid Fire avec Brandon Lee, lundi à 20h40. J'ai pas le nom en tête, mais... Rapid Fire avec Brandon Lee. Et en fait, le truc, c'est que Brandon Lee, c'est un peu... Je sais pas si vous souvenez de Mark Dacascos, qui avait joué dans Le Pacte des Loups, ou La Loi du Plus Fort, ou comme ça. Crying Freeman, évidemment. Et en fait, Brandon Lee, c'est un Mark Dacascos, en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui est pas très bon acteur, qui est assez beau gosse, mais et qui est très physique. C'est-à-dire qu'on va les faire jouer dans des gros films d'action à la con, très bébête, très méchant, mais voilà. Je conseille surtout le film La Loi du Plus Fort avec Mark Dacascos, qui est sur un film sur la capoeira, qui est génial. 75% d'entre eux sont armés. 45% sont défoncés à longueur de journée. Si on ne tente pas quelque chose, ces gamins sont perdus. Tu sais que dalle sur les mecs qui sont ici. Je veux vous connaître, c'est pour ça que je suis là. Ça fait C'est le règne de la terreur depuis que Louis Stevens, un nouveau professeur dont la spécialité est la capoeira, a déclaré la guerre au chef de la bande des Street Fighters. Et d'ailleurs, en plus, on fait un lien avec Mark Dacascos parce que Mark Dacascos jouait Eric Draven dans la série télé The Crow. je m'en rappelle. Ça s'appelait The Crew, Stairway to Heaven, qui passait sur M6. Attends, ça y est, je m'en rappelle. Et je me rappelle, putain, si mon voisin m'écoute, je me rappelle que lui, il était totalement fan de ce mec-là parce que il mêlait des mouvements de capoeira avec des trucs de kung-fu, je sais pas quoi. Oui. C'est ça. Tu vois dans Crying Freeman d'ailleurs. L'un des rares mecs à pouvoir faire à l'horizontale en sautant. Il faisait je sais pas combien de tours sur lui-même en mettant des coups de pied. C'était l'époque où on kiffait quand il y avait de la castagne, tu vois. Et puis maintenant avec ma scoliose et tout là. C'est vrai que tu le fais moins. Tu rigoles, mais ce mouvement dont tu parles, c'est un truc que tu retrouves beaucoup de fois dans Crying Freeman. Mais oui. Il tourne sur lui-même et il tire en même temps. C'est génial. Ouais, le super vient couper dans la tronche. Mais c'est quand on regarde ça, c'est sa marque de fabrique. Ah ouais, c'est ça, c'est sa marque de fabrique. Et donc, en fait, le truc, c'est que Pressman file le bébé à Proyas. Il y a un scénario qui est déjà écrit que Proyas n'a pas aimé. Du coup, il écrit tout. Et en fait, Brandon Lee s'intéressait au projet parce que lui-même connaissait déjà la BD. Proyas et Lee connaissaient déjà la BD. Donc, du coup, ils ont tout réécrit ensemble, les deux. Le projet pour essayer de l'amener vraiment à bout avec James Howard en consultant pour vraiment essayer d'aboutir à une vision la plus juste possible du film. Je suis en train de j'ai les connexions qui se font là, mais en fait si James Howard il était super cool avec l'idée de ce projet de film, c'est parce que aussi Alex Proyas s'était occupé des clips mais aussi de The Cure quoi. Je veux dire, il y avait une confiance entre les trois qui faisait qu'eux, ils se disaient, bon, ok, d'accord, on est d'accord, on est raccord chacun, donc on va dans la même direction, quoi. Donc c'est à peu près sur un bon terreau que le film commence, en fait. Voilà, en tout cas, la pré-prod commence vraiment comme ça, quoi. Bah, le casting sympa, hein, en fait, hein. Brandon Lee, il a une belle gueule, en fait, c'est pas juste un physique non plus, hein, c'est aussi un mec... Ça se voit, il y a de l'émotion qui passe quand il a l'écran. Oui, il a un regard touchant. Ouais, Théo, t'as notre avis de tout. Moi, je pense que Brandon Lee, c'était le fils de Bruce Lee qui se sont dit génial, comme ça va faire plein de. Ouais, je sais pas. Il a un père chinois, une mère suédoise, ça va quoi. C'est le mélange, il se fait quand même pas mal quoi, tu vois. De la gueule, Non mais bien sûr que c'est un beau gosse, mais tu viens de dire un truc, c'est pas qu'un physique, au niveau de la gueule il se passe des trucs. Mais non, c'est au niveau de l'émotion, c'est l'émotion que tu dégages. Tu quelque chose comme ça. Bah écoute, toi Théo, t'es beau gosse, maquillage. Oui mais moi je joue pas dans un cours. Tu aurais dû d'ailleurs. J'aurais c'est sûr, quand c'est comme The Joris, l'émotion elle passe facilement aussi quoi. Ah, tu penses que c'est le maquillage qui joue là-dessus? Ouais, il incarne parfaitement, il a sans doute un des physiques les plus parfaits pour incarner ce personnage de bande dessinée qui est un personnage fantasmé, qui est à la fois très musclé et très sec, et qui sait se mouvoir avec grande facilité, sans surprendre ses ennemis. C'est ça qui est hyper intéressant, parce que quand tu regardes dans la BD, il y a des trucs, je pense que tu fais référence à ça, c'est qu'il y a des scènes de danse dans la BD, oui. Tu le vois bouger, il fait un ballet, etc. Et au final, Brandon Lee, il a le physique qui fait que... Il peut le faire parce qu'il sait se mouvoir dans l'image. On va mettre tout de suite les choses au clair, c'est un acteur qui joue très très mal. Ouais, c'est quand même un très très mauvais acteur. qui en fait des caisses et tout, etc. C'est pour ça que vous... Mais physiquement, il... Après, on l'a vu que dans un film, on peut pas trop, malheureusement... Sûr qu'on n'a pas trop de points de comparaison. Mais physiquement, il incarne le truc. On peut comparer avec physiquement, sa gueule, etc., la façon de bouger, il l'incarne. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu... Bon, il y a des trucs à revoir, quoi, tu vois, toi Théo, tu me parlais de la direction d'acteur, mais moi je pense que non, ils sont très très très mauvais, quoi. On va pas en parler tout de suite, on va parler aussi de ce qui a amené une grande partie, désolé Romain, hein, mais une grande partie du succès de The Crow, hein, tout ce qui s'est passé, en fait, autour du film, c'est les mythes et la malédiction de mythes et légendes, The Crow. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce tournage? Bon, il y a un gros événement, mais il y a d'autres trucs qui n'arrêtent pas de se produire tout au long du tournage. Il y a quoi? Il y a plein de problèmes, quoi. Il y a beaucoup de retard parce que il y a un des mecs qui a le matos, il a un accident de camtar. Il y a des projecteurs qui tombent. Il y a tournage maudit. Jusqu'à ce qu'il se passe vraiment le gros truc du pourquoi en fait ce film est connu en général. C'est tout simplement une erreur de manipulation de balles blanches dans un fusil et Brandon Lee qui se mange une grosse cartouche dans le bide. C'est un Magnum 44 qui s'est pris. Ça a piqué. Et en fait, le truc, oh, c'est que... C'est un shotgun que j'ai... Ouais, je crois que c'est non, c'est pas un shotgun, c'est un Magnum 44. Bah, ouais, c'est un fusil à pompe. Bon, peu importe, mais en tout cas, il en fait, non, mais Nelson... Magnum, c'est la scène où il est... Non, mais Nelson a raison, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de cette scène-là. Et moi, la plupart des infos que j'ai mis, la plupart des infos que j'ai trouvées qui se recoupaient, c'était que, en fait, c'est la scène du début du film dans lequel les bad guys rentrent dans l'appartement de Eric, etc. En fait, c'est pendant le tournage de cette scène-là qui s'est fait buter. Et donc, c'est le mec Michael Massey, je crois qu'il s'appelle, qui joue Fun Boy. Donc, il y a un Magnum dans la main et bam, il lui tire dessus. Et en fait, la balle. Alors, il y a une balle chargée dedans. J'ai lu autre chose. C'était pas pendant le tournage d'une scène, c'était pendant une répétition. Et c'était une répétition quoi. Ouais. Et en fait, sur le lieu du tournage, il y avait d'autres films. Et pour les besoins en fait du film précédent, ils utilisaient à peu près les mêmes accessoires, je sais pas quoi. Pour le besoin du film précédent, ils avaient mis des balles, des vraies balles. C'est quand même hallucinant parce que ça veut dire qu'il y avait même d'autres films, mais ça aurait pu être un autre acteur sur un autre plateau. Oui. Mais pourquoi il y a c'est tout un complot autour de ça. Ouais. Oui, alors, ça c'est très drôle d'ailleurs. Ouais. j'ai entendu quoi? J'ai entendu une malfonction en fait du fusil. Toi tu me dis que c'est un Magnum. Il y en a qui disent en fait c'était après, des déchets de la balle blanche. Des déchets de la balle blanche précédente. Que ce soit une répétition ou pendant que ce soit filmé, il se passe qu'il n'aurait pas dû être tué. Exactement, le résultat est là. Ouais, mais à la suite de ça, il y a eu ce truc où vraiment il y a un complot à balles qui s'est créé autour de ça. Parce qu'en fait, Bruce Lee est mort sur un tournage aussi, soi-disant empoisonné pour faire une crise cardiaque. Son fils meurt sur un tournage également. Et pour info, les deux sont enterrés côte à côte à Washington. C'est vrai. Avec leur nom écrit en chinois, etc. Très bien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tout un complot qui s'est créé autour de ça. C'est-à-dire, putain, Bruce Lee est mort sur un tournage. Les gens pensent qu'il est... Il y a des gens qui sont persuadés qu'il a été empoisonné. Oui, c'est vrai. Il y a son fils qui meurt sur un tournage également, en plus avec une histoire de balle à blanc qui serait pas blanche, etc. Et en plus de ça, avec tout ce qui s'est passé autour, et tous les accidents sur accidents. Et tous les accidents avec les techniciens qui ont été blessés, etc. Enfin, ça fait gonfler le truc. Après, forcément, c'est... Avant même qu'il sorte, le film avant même déjà qu'il fait sorte, parler le de lui. Le film fait déjà parler de lui, quoi. Exactement. Mais par contre, avant même qu'il sorte, parce que justement, c'est quand même impressionnant, du coup, ça veut dire que pendant le tournage d'un film, l'acteur principal, il se fait tuer, et eux, ils ont continué à vouloir faire le film, quand même. Il s'est passé un laps de temps, quand même. Ça, c'est impressionnant quand tu penses. Ils sont questionnés là-dessus, et en fait, c'est James O'Barr qui est un peu... pas insisté, mais lui il était. Mais t'imagines, le mec il était déjà au fond du trou, il était déjà dans la dépression. Ah, s'il te plaît, il a dû palper un énorme chèque pour rendre le droit de sa bande dessinée. Ouais, et sauf qu'ils se sont coupables en fait de la mort de Brandon Lee. Tu vois. Et là c'est pire que tout. Et quelque part ils se sont dit. Ah, il a culpabilisé. Il a culpabilisé. Il a culpabilisé. Et suite à ça, ils se sont posé des questions, etc. Ils se sont dit, on peut finir le film en post-prod. Pas seulement en post-prod, avec des doubleurs, c'est ça avec Brandon Lee, c'est tourné. La majorité du film a été tournée, et puis bon, bah tu parles de James Bond qui fait une dépression, mais moi je mets en avant aussi le fait que Michael Massey, le mec qui a tiré quand même sur Brandon Lee, l'acteur qui l'a buté, qui a été complètement innocenté dès le début, et le mec a pas tourné pendant des années. Alors d'ailleurs, si vous voulez voir qui c'est, je crois que c'est un méchant dans Seven, je crois. Ok. T'es sûr que t'as vu personne avec un paquet, un sac à dos, quelque chose sous le bras? Hey, tous les mecs qui s'amènent ici, ils transportent toujours un truc sous le bras. Il y en a même qui traînent des valises bourrées de matos avec eux. Ça te plaît de gagner ta vie comme ça? Tous ces trucs que tu vois? Non. Non, je suis contre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. En tout cas, c'est un acteur qui a fait une grosse dépression après pour ça, et il a vraiment évité les plateaux, etc. Le tournage est arrêté. Terminé, le tournage. Alex Proyas veut jeter les ponts, genre non, c'est terminé, moi je fais plus cette merde, je fais plus ce truc-là. Sachant qu'en plus, le film n'est pas fini à 100%, donc du coup, il ne sait pas trop quoi faire. Mais y a la prod, derrière, donc Miramax, lâche une enveloppe en disant genre non, vous me terminez ce film-là. y a une volonté de la production, il y a aussi beaucoup de discussions qui ont été faites avec la, la famille de Brandon Lee, parce que Brandon, parce que Brandon Lee était fiancé à cette époque-là. C'est vrai, il devait pas se marier. Il devait se marier d'ailleurs après. Il devait se marier après le tournage. Encore un écho. Donc, encore un écho. L'histoire de The Crow. Où voilà. En fait, on n'a pas expliqué au début, mais le meurtre de sa copine Derek Dragon intervient la veille de leur mariage. La veille de leur mariage. Et en fait, voilà. Et donc, ouais. En fait, le truc c'est que Jeff Sobar perd sa copine alors qu'il était fiancé. Voilà. Il devait se marier. Elle est fauchée par un chauffard. Elle meurt. Il fait sa bande dessinée. On produit un film avec un acteur qui meurt sur le tournage. Qui aurait dû se marier dans le film, mais aussi après avec sa copine de l'époque. Enfin, on est dans le drame total. On est dans le drame total. Et ça les a pas empêchés de faire des suites avec Vincent Pérez. Non, mais franchement, c'est parce que des suites. Et des suites avec Edouard Furlong, une catastrophe. C'est une horreur. C'est incroyable la machine Afrique que ça doit être. Ce que ça doit ramener malgré le. Dégueulasse. C'est tellement de la merde sur le tournage, mais allez, on va recommencer. Oui, on va recommencer. Enfin bref, je vais trop vite déjà. D'ailleurs, en parlant du tournage, il y a Shirley qui. Shirley. Je crois que c'est le scénariste, il me semble. C'est le scénariste. Il dénonçait un petit peu les conditions du tournage, pourquoi ça arrivait. Il a fait. Il n'y avait que du personnel non qualifié, c'était la merde quoi. Voilà, bah c'est ce que je vous disais, il voulait faire un gros film d'un succès populaire de comics, voilà, et ils s'en foutaient un peu de comment le faire, c'est pour mais ça qu'ils ont pas, forcément, pas forcément un gros film, mais je pense que c'était pas nouveau que dans les tournages, on fasse des tournages qui sont pas très clairs, dans le sens où tout le monde n'est pas très qualifié, ou oui, on veut pas que ça coûte trop cher, tu vois, sur voilà, ouais, moi je sais que le problème donc, quand tu fais un film, c'est que ça coûte cher à faire ça. Oui, bien donc, sûr. Du coup les mecs ils font un peu genre, non mais c'est bon on va prendre machin, qui connaît truc, etc. quoi. Donc forcément tu prends des mecs pas trop qualifiés. Quoi. Et la mort de Brandon Lee, ça a quand même énormément affecté le tournage, dans le sens où je crois bien que ça a doublé le budget du film, tout simplement, qui devait coûter genre 15 millions de dollars de l'époque et qui a fini par en coûter 30. Ils ont lâché le chéquier. Hein. Ah ouais, ils ont fait marcher la planche à billets. Non, ah ouais, non, ouais. Encore une blague trouvée dans la VHS de The Crow. Non, en fait, le truc, c'est qu'il y avait un budget, mais comme ils voulaient absolument terminer le film, et que en fait, le fait de terminer le film, ça. Ça demandait énormément d'efforts techniques et voilà. D'effets spéciaux. Était en 94, oh, voilà, quoi. C'était les débuts de la numérisation. Voilà, genre Jurassic Park, c'était. À grande échelle. Voilà. C'était plus ou moins sorti, c'était ce qui se faisait de mieux en effets spéciaux à l'époque, quoi. Et les mecs à côté, ils disent bon, on te sort le chéquier, et puis bon, tu te démerdes. Et donc, du coup, ils ont passé la plupart de la post-prod du film à coller le visage de Brandon Lee sur son cascadeur, le mec qui faisait les cascades, sur le corps du cascadeur, etc. Il y a vraiment un effet. Et tu m'as dit que les passages affreux où on le voit jouer de la guitare, c'est son professeur de guitare. C'est son prof de guitare qui joue. Il y a le prof de guitare qu'on voit de Brandon Lee, qu'on voit jouer une scène qui sert à rien du tout. Il y a plusieurs, je crois. Clair, ouais. Mais avec sa guitare, tu ne comprends pas cette guitare. Ouais, mais comme ça, c'est dans le rock, forcément, on peut voir faire la gratte. Ouais, mais il va chercher des infos sur les gens qui ont tué sa femme, il va chez au pawn shop, là, au truc au Mont-Piété, et il vient chez lui, il joue de la guitare. Tu veux te venger ou tu veux composer des chansons de cure? Eh ben, il compose parce qu'il a la haine, tu vois. Ouais, c'est ça. Bien sûr, sa strato, elle est noire. Exact. Parce qu'il est gothique. Ouais, c'est ça. Justement, maintenant qu'on a fait les origines et puis tout ce qui s'est passé autour du film, on va maintenant comment ça se passe du début à la fin, assez rapidement, parce que l'histoire elle est assez simpliste. Hein. C'est très simpliste. Ouais, très simpliste. Parce que quand tu lis le synopsis, tu fais c'est pété quoi. C'est l'archétype d'un film de vengeance où le mec revient carrément d'entre les morts pour accomplir sa vengeance, et tu sais en commençant à regarder le film comment ça va se passer et comment ça va se terminer. Pas de grosse surprise en fait. Aucune surprise. Non, c'est un film de mise à mort en fait, où entre les mises à mort il y a plusieurs rappels de l'humanité d'Eric Draven qu'il a laissé derrière lui, vu que de toute façon il est mort. Et juste l'humanité qui est représentée par la petite fille qui était l'amie du couple. Est-ce que t'as faim? Tu paies? Je paie. Doucement sur les oignons, alors. Pourquoi? T'as quelque chose contre? Ça fait péter les oignons, c'est mortel. Oui. Et le flic qui est le personnage le plus humain normal de tout ce film d'ailleurs. Oui, qui est complètement à côté. Tous les autres, soit ils vivent pour faire le mal, soit pour faire la vengeance et tout. Le flic qui est pas à côté de la plaque, il est juste à côté quoi. Ça, ouais. Il comprend pas. C'est un mec normal. C'est un mec normal. C'est le mec lambda. C'est presque moyen. C'est presque toi en tant que spectateur. Exactement. Qui, à travers lui, tu es obligé de te reconnaître. Pas un geste. Oh putain, ne refais plus jamais ça, mec. C'est pas ton corps, ça. On t'a incinéré après ta mort. Tu l'enlèves jamais, ta casquette? Donc, acteur, j'ai oublié son nom, mais qui joue dans Ghostbusters. Ah oui, c'est ça. Il a joué dans Fargo aussi. Théo, tu parles d'humanité. Moi, ce que j'ai toujours bien aimé dans ce film-là, c'était quand il va chez Gideon, donc le mec qui est le prêteur sans gage. Oui. Et il cherche absolument la bague de sa copine. Ouais. Et en fait, il trouve une boîte avec plein de bagues, etc. Il la trouve facilement d'ailleurs. Hein. Non, mais il la trouve parce que en fait, l'amour est symbolisé dans cette danse. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il cherche donc la bague, et en fait, dans cette bague, il comprend. Et en fait, il y a cette souffrance, il y a un plan qui est très proche de sa tête. Tout de suite, il est là. Il comprend, il sait que c'est la bague qui a été revendue par ces espèces de connards qui ont buté sa femme, etc. Voilà. Et il retrouve. Et moi, ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est vraiment le tout l'amour est symbolisé là-dedans dans cette espèce de petit objet. Et il la retrouve avec le toucher d'ailleurs. Il le retrouve avec le toucher, ouais. Il le ressent, il le ressent le truc, tu vois. Et moi j'ai adoré ça parce que. Comme si ça renfermait encore son amour. Voilà, l'amour, non mais. Leur amour. C'est leur amour dedans quoi. C'est tout ce qui reste de physique entre eux en fait, tu vois. Qu'ils ont pas vraiment pu avoir en fait d'ailleurs parce qu'ils ont pas. Ils ont pas pu perdurer en tout cas. Ils sont pas mariés. En fait, le truc c'est qu'ils ont pas pu perdurer parce qu'en fait l'amour il l'avait jusqu'à ce qu'il soit mort. Et il existe toujours, quoi. Ouais. Il existe toujours. Il est toujours là. Et c'est pour ça qu'il revient d'entre les morts, en fait. Quoi. C'est parce que l'amour est trop fort, quoi. Non. Non. Non. Si on surprend en fait même depuis le début en fait, t'as la petite qui est la narratrice. Elle t'explique en fait l'histoire du corbeau qui transporte les armes. Elle t'explique pourquoi en fait parfois quand il y a une âme qui est beaucoup trop triste et trop lourde en fait, il y a le corbeau qui décide de la ramener à la vie. Une intro très lourde d'ailleurs. Et l'intro souffle sur des décors magnifiques et qui me rappelle le Batman en fait de Tim Burton. C'est la ville, on dirait que la ville est isolée en fait du reste du monde. C'est l'apocalypse dans la ville. Ça fait. En fait, c'est ça qui est marrant avec les films des années 90. Tu sens en fait que t'as pas des moyens de ouf, mais tu fais avec et franchement c'est top. Mais ça a la gueule. Ça a la gueule. Parce que en fait, la ville est isolée en fait du reste du monde. T'as rien d'autre autour. Et ça me rappelle d'ailleurs l'autre film d'Alex Proyas que j'adore, qui est Dark City. Et excellent celui-là, il est vraiment excellent. Mmh. C'est pour ça que The Crow, je me disais, tiens, le rematé ça va me faire du bien. Mais en fait, franchement, au rematage, je trouve que ça a pris un petit coup de vieux. Hein. Ça a pris un coup de pelle. Et c'est normal, ça a pris un coup de pelle. Mais dans l'ambiance, elle est quand même marquante. À mon ressenti, c'est plutôt mon ressenti. C'est ma vision en fait sur les films. C'est, forcément, ça a évolué avec le temps. On a maté ça, nous on était ados quoi. Je ne l'ai pas maté en 94 quand il est sorti, je l'ai dû mater quand il passait à la télé. Il est peut-être passé sur Canal+, un truc comme ça. Toi, tu l'as maté quand toi? 97. Oui, c'est ça, 96, 97. 96, ouais. Et toi, Théo, je sais que tu l'as regardé hier. Et toi ouais. En même temps que Nelson, dans les Romains, c'est ça? C'est ça, 96, je me rappelle. Pareil, ouais, 96. Ouais, mais du coup, pour quelqu'un qui le regarde hier, alors c'est beaucoup moins. C'est tout aussi daté que ce à quoi je m'attendais, mais c'est plus cool que prévu dans le sens où je m'attendais à un nanar avec beaucoup de moyens. Et en fait, bon, c'est un peu le cas, mais il y a un côté charmant, comme vous disiez depuis le début. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est là que c'est plaisant, c'est parce que justement c'est daté. Et donc, des scènes où tu le vois casser sa guitare sur son ampli, ou j'en sais rien, ils ont tous des espèces de grands manteaux. L'ambiance est ultra gothique, tous les méchants. C'est ça qu'on nous a parlé aussi au début, quand on l'a vu. Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est ça, au moins, c'est une ambiance qui est sympa dans laquelle se replonger, et c'est pour le côté kitsch que c'est intéressant à regarder. À la rigueur, même la BO est extrêmement de l'époque et tout. Et quelque chose qui est extrêmement de l'époque aussi, c'est comme tu disais, la ville, on dirait qu'elle est coupée du reste du monde, ça c'est génial en fait. C'est tous ces films où c'est très très claustrophobe. T'as l'impression vraiment que ouais, tu peux pas sortir de cette ville tellement en fait les États-Unis étaient marqués par une histoire de violence urbaine déjà depuis un peu toujours, et puis à ce moment-là c'était quoi, c'était juste après les émeutes de Los Angeles je pense. En 94 donc ouais. Plein d'émeutes de Los Angeles. Ouais, il est pas loin. New York qui était une des villes les plus dangereuses du monde. Rodney King qui se fait tabasser par les flics, etc. On est dans la violence pure et dure. Voilà, donc c'est pour ça que ça va dépendre des personnages. Ça sent dans les rues, c'est les rues elles sont toujours désertes. Exactement, ouais. Dégueulasse. Ouais. Et en fait, tu peux pas du tout imaginer que tu puisses être hors de cette ville comme si en fait c'était dans une boule à neige. Exactement. Vous parliez au tout début d'une petite différence avec le comics dans le sens où ils se font pas tuer dans le même endroit, dans le comics ils sont sur le bord d'une route. Mais en fait, s'ils avaient filmé les méchants qui arrivent sur le bord d'une route et tout, ça aurait donné la possibilité d'une sortie de la ville. Ouais. Oui, ce qui n'est pas donné dans le film, je pense qu'il y a un seul plan dans le film qui est très fugace où on les voit danser, quand tu te rappelles encore avec des flashbacks, dans la part, tu les vois danser dans un champ aussi, mais oui. Ça dure vraiment 2 secondes, oui. L'image est affreuse comme si c'était... Comme si c'était même une imagination de Red Draven lui-même et que ça n'avait jamais arrivé parce que dans son monde à lui, les champs de fleurs ça n'existe pas. Ouais. Il y a une grande ville gigantesque. Ouais. T'as raison quand tu dis c'est le fait que t'as vraiment l'impression que la ville est fermée, complètement fermée, il n'y a pas de sortie. Ce qui est un peu comme Dark City. Exactement, ce que j'allais dire, c'est que comme dans Dark City, il n'y a pas de sortie possible. Voilà. C'est-à-dire que tu es dans un clou. Et c'est une ville, tu vois pas la limite. C'est-à-dire même quand tu parlais Panda de l'ouverture du film, tu vois pas vraiment l'horizon, quoi. Tu vois pas, y a pas vraiment de sortie, quoi. T'es très fermé. C'est sombre, ça brûle. Voilà, c'est ça. Et souvent, t'as vraiment cette impression que les personnages, et souvent je lui rends comme personnage la mère de Shelly, qui a vraiment ce senti, qui donne cette impression de personnage coincé dans un environnement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas sortir sa condition de prostituée, etc., ou de droguée, et à part le fait quand elle rencontre Eric Draven qui la sort de sa condition. Ouais, mais elle vraiment ce truc, genre, les gens sont coincés là-dedans, ils sont coincés dans cette ville, dans ses murs, dans ses immeubles. Donc c'est une métaphore, somme toute, très simple à comprendre pour tout le monde, de la vie urbaine, de la dépression aussi, tu vois toujours tout en noir, tu passes un petit peu, tu vois un certain état mental. Un état mental, quoi. Ouais. On a réussi à ne pas le dire depuis le début, mais c'est juste un film où c'est toujours la nuit. Il y a pas une scène de jour. Il y a pas une scène de jour. Il pleut. Enfin voilà, comme d'hab. C'est comme d'hab, il y a un temps de merde. En tout cas, il y a toujours un temps. Non, mais j'ai l'impression que c'est fait moche. Le côté genre, il fait jour, entre guillemets, mais c'est juste une espèce de respiration dans le film. Mais c'est vrai que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi le souvenir que j'ai, c'est que ça se passe toujours dans la nuit, tout le temps. C'est fait noir, on voit rien. C'est sombre, c'est violent, etc. Il y a des passages un peu de nihilisme, où t'as Eric Darvel qui, vers les 3/4 du film, où il voit des gamins pour Halloween en train de courir, et tout, etc. Puis il y a une espèce de joie de vivre à l'enfance, etc. Tu vois une espèce d'échappatoire, donc l'impression. Ça reste toujours dans les trucs, dans des ruelles fermées, etc. Quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois ces enfants courir et tu les vois dans l'insouciance. Quoi. Tu vois l'insouciance et tu comprends. En fait, c'est ça, il la vit à travers lui, avec la petite fille. J'oublie son nom, si c'est Sarah. Alors, juste c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du gentil. Ouais. Alors c'est qui Eric Draven. C'est qui Eric Draven? Eric Draven, c'est un guitariste raté. Il fait partie d'un groupe de musique. Donc il a pas eu le temps d'être raté. Hein. Il a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps d'être acteur non plus. Il n'a pas eu le temps d'être acteur non plus. Franchement, on est trop méchants. C'est cool, ça. Il est mort il y a longtemps. En espérant que sa famille nous écoute. Et on lui rend suffisamment hommage maintenant. Oui, c'est vrai. Mais bon, Eric Draven, c'est un guitariste rock, et c'est tout ce qu'on sait de lui, en fait, finalement. Et puis qu'il aimait beaucoup Shelly. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Il a un groupe, parce que même à un moment, lorsqu'il y a les bad guys qui arrivent dans leur point de repère, qui est une salle de concert, t'as une espèce de plan, en fait, sur les photos des groupes qui jouent. Et tu vois, en fait, Eric Draven, comme ça, ils avaient déjà sorti en vinyle, ça va bien. Donc ça va, ils ont peut-être fait 2-3 concerts. J'ai vu la comédienne, c'était pas génial. Et donc le gentil Eric Draven, il est vraiment gentil, il veut vraiment beaucoup de bien au reste du monde. Ah bah c'est le rocker en rocker. Ah ouais, c'est ça. Mais par contre il hésite pas les moyens pour zigouiller tout le monde. Bah alors attends, c'est le rocker au grand cœur, mais après qu'il lui arrive ce qui lui arrive. Il faut pas lui marcher sur les pieds. Attends, il faut pas lui marcher sur les couilles, parce que sinon, après qu'il soit fait tuer, du coup il sort de sa tombe. Et c'est incroyable de voir ça, d'ailleurs, le mec sortir comme dans la musée mort-vivant de sa tombe. Et c'est moi j'adore ça. On sait pas que ça allait se passer comme ça, génial. En fait, c'est très physique parce que en fait tu vois très bien que tout est vrai, quoi. Mais en fait, même si ça fait pas ta selle, tu te rends compte que c'est faux parce que déjà il joue mal. Parce que quand il sort et que tu sens, il comprend pas pourquoi il est vivant et tout, machin, il fait comme ça. Faut que je vous pose la question 2019. La question 2019, c'est quand j'ai rematé ce film après deux années, je me suis dit, mais pourquoi le corbeau il a pris l'âme du mec et pas l'âme de la meuf, quoi? Mais parce que c'est Jean Sobar qui a écrit la BD. C'est réponse Joker. Si ça avait été une femme qui avait perdu son copain et qui avait. Dans le film, finalement, il crève tous les deux. Oui, mais pour le coup, c'est la même chose dans le comics. Non, parce que dans le film, c'est les mecs qui viennent, les bad boys, ils viennent bad boys. Les Bastric Boys. Ils viennent dans leur appart et ils sont tous les deux en fait. Oui. Donc, il vient pour le buter les deux finalement. Oui, c'est ça. Une obscure pétition immobilière pour qu'ils puissent continuer à habiter le quartier. Oui, exact. Ah, okay, voilà. À la cool. Donc tu sais, tu sens déjà le côté corruption aussi. La mafia, nanana, pour récupérer les immeubles, les quartiers. L'immobilier, tout ça, c'était. Voilà. Ouais. C'est à Détroit, c'est ça, c'est dur. Et ils se font zigouiller tous les deux, quoi. Il y a Détroit, c'était pas chaud. Ils se font zigouiller tous les deux, et puis lui, il crève d'abord, mais elle se fait quand même violer, égorger. Et elle voit son mec se faire planter et puis se faire défenestrer. Ouais. Elle s'est pris deux bastos dans le dos aussi d'abord et après défenestrer. Donc c'est oui. Ouais, elle aussi elle a la lame chargée. Je crois qu'ils disent dans le film pour rajouter un peu à la violence qu'elle est morte au bout de 30 heures sur la table d'opération. Elle a chié pendant 30 heures avant de tout lâcher. C'est vrai, comme tu disais, si tu préfères à l'histoire même de James Hobart, c'est lui qui doit se venger. Si ça avait été une femme qui avait écrit la bande dessinée, ça aurait très bien pu être Shelley Webster. Ça aurait été Shelley Webster qui serait revenu. Shelley n'aurait pas pris un fusil à pompe et buté des mecs, elle a sans doute fait un bouquet de roses. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je me suis sérieusement posé la question. Moi j'attends le féminin, où c'est une femme qui revient entre les morts, qui bute parce qu'elle a perdu son mari, ou son copain, ou son fils. Non, pour le coup, à mon avis, ouais. Ça ressemblerait pas à Shelly, toi, c'est pas possible. Non, parce que Shelly, quand même. Oui, c'est vrai qu'elle. Alors, dans ce cas-là, on peut parler de ça. Non, on peut parler de ça dans ce cas-là. C'est qu'il y a vraiment cette image où la violence vient des hommes, quoi. C'est vraiment, c'est que. Les femmes sont. Je sais pas s'ils ont pensé à ça vraiment, c'est juste parce que. C'est vrai que dans cette histoire, les femmes sont des trophées, des objets sexuels. Non, elles sont pas des objets sexuels. Parce que la méchante, c'est clairement. C'est clairement une image de la culture du. Exactement. En fait, c'est juste le même problème qu'il y a dans le film Maniac avec Elijah Wood, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont pas psychologiquement intéressantes. parce que déjà que les mais pas parce que les femmes sont pas dans un cro et parce qu'en fait le truc c'est des trophées, c'est des mamans, c'est des copines, voilà, ouais. C'est des femmes, etc. Mais c'est pas du tout des personnages vivants. Voilà, fouillés quoi. En fait. Fouillés. Ouais. On ne fouille pas leur personnage. La psychologie, elle est pas chez Webster, tendue, elle apparaît à la fin du film où c'est juste la récompense de tout ton labeur de tuerie. Voilà. C'est-à-dire que t'as tué tout le monde, tu m'as vengé, ouais. Super, je viens de faire un petit bisou sur le front, et puis on va s'endormir tous les deux voilà. Dans l'au-delà. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un film qui est pas masculiniste, dans le sens où c'est pas un film viriliste. C'est juste les codes de l'époque. Mais c'est les codes de l'époque, ouais, voilà. Où c'est un film où c'est le mec qui va aller sauver la princesse, voilà, etc. Exactement, c'est ça. Et on en revient à ça. Mais c'est vrai que, du coup, genre moi, en tant qu'homme, forcément, moi, ça m'a parlé, parce que c'est un mec qui va venger sa meuf. Pas en tant qu'homme, en tant qu'adolescent, mec. Et tu penses pas... Non, parce que même en tant qu'homme aujourd'hui, ça parle encore. Alors, tu vas arrêter. Donc, en tant que grand adolescent... Parce que moi, ma copine, je la venge. J'en ai pas, mais... J'en ai pas, si mais... Si tu as besoin de te faire venger, mais si Romain, tu veux à la porte, si tu veux venger, Romain, il revient, il n'y a pas de problème. Hein. Il va te venger. Il va te venger. Bah, la cache converteur, ça achète une guitare et... moi, j'avais joué de la guitare sur le toit. Ouais, juste pour la péter sur un ampli, là. Mais pour en revenir. Non, mais les mecs, il y a un autre truc, hein, parce que toi tu l'as maté. J'ai joué du Deftones. Toi tu l'as maté hier, ouais. Le film, quoi. Imagine, en tant qu'adolescent, tu vois quasiment que des belles femmes. Et oui, surtout, il y a un gros côté fétichiste. T'as pas vu le 2. Il y a un gros côté fétichiste, ouais, s'habiller en cuir. Mais quand t'es adolescent et que t'as tes hormones en ébullition, quand tu tombes sur The Crow. Forcément, ça t'accapte un petit peu le regard, quoi. Oui, mais et pas ça, c'est sur l'ambiance aussi, rank, enfin métal aussi. Ouais, ouais, oui, il y avait ça. Et sur le solo qui joue sur le toit, je l'ai appris, quoi, avec ta. T'es sérieux? Sérieux? C'est vrai? Tu l'avais appris? Je veux une démo, je veux qu'on l'enregistre. Putain, mec, c'est incroyable. Je veux une démo enregistrée. Bruit en plus, hein, j'avais chopé les tablatures. C'était hyper iconique pour toi, donc c'était parce que c'était à la fois un rongeur et à la fois un rocker. C'était les deux un peu qui te plaisaient quand tu l'avais vu que t'étais ado. Ouais, c'est toujours l'ambiance et la BO qui me paraît grave, c'est pour ça qu'il fait ce film très vite, quoi, en fait. Hein. Parce qu'il y avait un combo un peu logique rock, metal, rock alternatif. Et ouais, c'est presque un peu dans le bourrin avec faut sauver une meuf et tout. C'est vrai qu'en général, c'est pas trop des filles qui m'ont parlé de ce film. Et puis c'est plutôt les métalleux d'ailleurs. Ah, bah, forcément. Mais. Ouais. Milliard de beauf. Mais. Aujourd'hui, je pense que c'est bon, je suis quand même un peu tombé dans l'oubli, non, je sais pas. Oui, c'est pas un film où on va te parler très souvent. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est bah, à part ceux qui l'ont vraiment maté ado, ils vont t'en parler encore, etc. Mais c'est vrai que c'est pas un film. C'est un film culte, certes, pour tout ce qu'on a raconté avant. Mais au final, c'est vrai que quand tu vas parler de cinéma, c'est vrai que c'est pas vraiment le film que tu vas parler le plus souvent, mais c'est vrai que celui qui est le plus proche de la culture goth, métal, ouais, etc. Ouais, c'est ça, c'est, faut se remettre à l'époque, il y a 14, t'es un peu goth et tout, tu t'intéresses à cette culture. Et bah, puis forcément, il y a la BO, on va obligé, en, vu le film, on quoi, va en parler. Il y a la BO. La BO fait que, bah, forcément, oui, ça va parler aux métalleux. C'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'il y a très peu de femmes qui en ont parlé, mais parce que je pense que... Non, je dis autour de moi, juste. Autour de toi, mais c'est vrai que même moi, autour de moi, c'est pareil, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas forcément regardé le film, mais ça veut pas dire que ça leur plairait pas, oui, tu non, vois, non, bien sûr. C'est juste parce que je pense qu'il y a, cet aspect comic book, c'est sombre, c'est noir, c'est métal, etc., qui vont pas forcément... Bah, c'était marketé un peu pour les... C'est marketé pour les mecs, pour les ados. C'est marketé pour les ados, ouais. Etc. Alors que le film a quand même fait un bon succès, il y avait de très bonnes critiques. C'est vrai que la plupart des femmes n'ont pas apprécié le film. Bah, si ce n'est la plastique de Brandon Lee, imagine. Ouais, oui, mais ça, je pense que ça peut fonctionner. Ouais, voilà. Ça y est, on est redevenu ce podcast de mec. Comme j'avais dit, c'était quoi? Riff Machine, le podcast du misogyne. C'est pas misogyne, c'est macho. Ouais. C'est macho, mais c'est pas misogyne. Allez, je vais pisser avec ma bite. C'est macho, mais pas misogyne. Je vais pisser avec ma bite. Moi, je veux bien être. Sortir comme ça. Je veux bien être macho, mais je suis pas misogyne. Et tu voulais parler de la réalisation? Oui, on va parler un petit peu de la réalisation. L'aspect de cinématographique. Exactement. La grammaire. Exactement, parce que au-delà des magnifiques décors, de la bande-son incroyable, de l'univers gothique et romantique. En fait, c'est le moment où tu veux descendre le film, en fait, c'est ça là. Non. Ok, un petit peu. Il y a une mise en scène qui est déplorable, Arnaud. Non, tu peux pas me regarder comme ça avec ces yeux de chien battu. Bah, dire c'est déplorable. Parce que c'est filmé comme un clip d'MTV. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des passages filmés qui ne servent à rien du tout. C'est juste pour faire du remplissage parfois. Et je fais putain, c'est dommage. Il y a plein de films qui étaient assez génériques. Il y a l'histoire générique. J'ai nostalgie. Scène avec où il court sur les toits, où il y a la chinesse derrière, c'est clip, tu vois. Mais bon, ça sert à rien dans le film. Lui qui court, T'as envie d'aller très vite, quoi. Mais c'est cool, il passe son derrière. Ouais. Mais ça fait partie de l'ambiance du film. Mais par contre, les scènes de dialogue, il y en a qui sont cultes. Le mec, quand il arrive justement dans le prêteur sur gage, les trucs qui veulent sortir, moi ça me fait rire, quoi. Tu sors d'ici, ils te la fermeront, ta sale gueule de connard. T'es rien qu'un merdeux, une lavette qui crèche dehors, t'entends? Enculé! C'est dingue ce que ça sent l'essence, t'as remarqué? Déconne pas! Non! Bah c'est quand même sauvé moi je trouve par la lumière. Parce que c'est vrai je suis d'accord que... Bah y'en a pas. Bah y'en a peu mais en fait ça prouve en fait ce film que si tu mets un peu des stroboscopes de partout et que tu mets des flashs de temps en temps comme s'il y avait des éclairs et tout, tu peux un peu donner une esthétique à un film qu'on n'a pas vraiment. Ça c'est parce que t'as pas regardé la scène de fusillade à la fin. Bah parce que si c'est que ça. Si je l'ai vu. Ah, si je l'ai vu, arrête, je me permettrai pas de parler d'un truc que j'ai pas vu. Parce que là c'est le festival du stroboscope quoi. Non mais c'est vrai que t'as raison, c'est un peu c'est vu que c'est filmé comme un clip, il y a un peu de strip nécessaire qui est mis ensemble pour faire certaines scènes. Oui mais ça dessert pas l'histoire je trouve. C'est le côté clipesque ne dessert pas l'histoire. Bah après c'est vrai que c'est un peu comme Sin City auquel on peut un petit peu le comparer dans le sens où c'est pareil. Sin City c'est moins clipesque mais Oui mais c'est la même chose dans le sens où c'est une ville comme ça où il se passe des choses. Ah oui, je suis d'accord avec ça, c'est pas comparable. Sin City c'est contemplatif là. Oh oui d'accord mais c'est beaucoup. Non, c'est pas contemplatif là, t'exagères. Ouais, c'est contemplatif, c'est peut-être beaucoup ouais comme bon non mais peut-être pas. C'est sympa. Tu vas pas c'est joli. C'est joli. Pareil, c'est une esthétique qui joue beaucoup sur le clair-obscur qu'il avait remarqué, qui à mon avis a fait flasher dans la BD, ouais, c'est ça. Et finalement, c'est ça dont tu te souviens dans The Crow. À chaque fois que quand tu penses à The Crow, tu penses à une image où je sais pas, où il y a un éclair et où du coup tu vois lui qui apparaît les bras en croix. Qui apparaît les bras en croix et qui va venir tuer quelqu'un. Voilà, c'est ça. Derrière lui. Mais bon, c'est vrai que à part ça, c'est sûr que. C'est quoi le film avec la plus grande des délicatesses, les plus belles inventions de cinéma. C'est un peu un film qui est fait, ça se voit. Oui, c'est il y a cette première scène où du coup il y a un plan séquence pour arriver jusqu'à l'endroit où ils se font tuer. Ça comme dans plein de films qui commencent comme ça avec un plan séquence pareil. Il y a quand même des choses, puis bah voilà, ça va rien réinventer. C'est pour ça que moi je trouve que ça fait quand même un peu un film produit où du coup. Je ne veux pas trop descendre non plus, mais il y a eu ce grand succès de Comic Book qui faut en faire un truc avec le cinéma d'Hollywood. Alors on va faire un truc bien marketé, bien impacté. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est facile à digérer quand t'es adolescent. Donc. Non, bien sûr, c'est vrai qu'il y a l'aspect adolescent où forcément tu es touché par l'histoire, etc. Mais c'est vrai que quand tu parles en termes de film, c'est-à-dire que vraiment la façon dont c'est filmé, etc. C'est vrai que tous les défauts, tu les vois. C'est vrai que c'est pas un film parfait. Ouais. Tu vois bien qu'il y a des trucs qui sont très putassiers, ou il y a des scènes où c'est lourd, où les mecs jouent pas bien, ou comme tu dis, genre c'est très cadré comme film. En fait, ça n'invente rien. Il n'y a aucune scène où à un moment donné tu te dis genre putain, c'est. Il n'y a pas une scène qui vous a un peu. Moi j'ai trouvé ça un peu con, parce que là ça représentait Eric Braven vraiment comme un ange en fait finalement. C'est quand il va voir la nana qui shoot à la morphine, il défonce Funboy, et puis il dit « il faut que tu arrêtes la drogue, c'est mauvais pour toi », il lui prend son bras, il y a sa morphine qui commence à couler par les trous des strings que tu as. Regarde. Maman est le deuxième nom de Dieu, dans la bouche et dans le cœur de tous les enfants. Tu comprends? La morphine est un poison. Ouais, et je fais vraiment. Elle, le lendemain matin, c'est devenu non, mais c'est parfaite, elle fait des œufs à sa gamine. Exactement. Voilà, c'est vrai qu'il y a des œufs, c'est très bon. C'est cancérigène, colasse. Tu les aimes comment, les œufs? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu fais? Je déteste ça, les œufs. Ah bon? Non, c'est vrai qu'il y a ce côté très moralisateur, quoi, mais je pense que c'est voulu dans ce film, c'est vraiment voulu comme étant Eric Draven, comme étant l'ange. Qui va sauver les gens, etc. Oui, il y a pas que. Il y a un côté très chrétien de voilà, tu vois, c'est. Aussi, c'est voilà. Ça, voilà. Son chat s'appelle Gabriel. Voilà, son chat, voilà, son chat s'appelle Gabriel. Ouais. Donc c'est pas pour rien que ça existe. C'est l'anecdote, hein. Ouais. Et c'est un Angora. Un super intelligent. C'est un Angora blanc. C'est un Angora blanc. Ah bah bon, il faut. C'est un Angora blanc, ça c'est du fact. Attention, hein. Et quand il le touche, il a plein de flashs qui lui arrivent, genre. Il ignore enceinte tous ceux qui touchent. Gabriel. C'est ouais, c'est, ça j'avoue, c'est quand même un des trucs les plus difficiles du film, c'est l'acting de Brandon Lee quand il joue la douleur. Non mais il est nul. Un peu tout où il joue ouais. La douleur. Non mais il est nul. Ah non vraiment, il est nul. Quand, comme tu dis, quand il touche son corbeau, chat quoi, et qu'il se rappelle de bah sa ouais, vie... Celui qui joue le mieux c'est le corbeau. C'est, le corbeau. Ouais. C'est un pigeon. Ouais, il joue comme un pigeon quoi. Il y a un putain de gros corbeau qui vient de rentrer. Un petit moineau. Allez, viens que je te bute. Petit. Lady, viens là, viens. Allez. Quand je disais MTV, là, là, c'est parce que parfois, en fait, les clips, ils sont quand même fait un peu à l'arrache avec des acteurs. Bah, c'est pas des films. Ils sont faits avec les moyens de l'époque. Voilà. Non, non, attends. Mais, non, mais pas je t'ai pas. Oui, ouais, d'accord. Mais on avait les moyens de l'époque, ok. Ouais, tu vas pas commencer à te plaindre. On avait une boîte à chaussures pour déconner Canal+. Ouais, moi j'avais pas de New Rock, ok, c'est bon. Mais quand même, quand je parlais donc de Click MT, c'est que parfois en fait t'as des passages qui sont totalement creux. Je sais pas quoi. Passage, quoi. Ouais, c'est l'envisage. Et attends. La femme avec son tatouage dans le dos. Non, c'est même pas ça. C'est pire. Et mec, je suis désolé, tu vas avoir une petite larmiche. Alors si, Jason, t'as grave raison. La meuf avec son tatouage en dos, c'est du remplissage de neuf. Ouais, mais Romain, tu vas avoir une petite larmiche quand je vais te parler de ça. Mais je pleure déjà, là. Non, mais j'ai le maquillage de The Crow déjà qui se dessine, là. Ouais. C'est simplement les scènes qui revit, tu sais, par la pensée. Tu sais, c'est comment dire, les trucs qui revit avec sa femme qui était heureux. Putain, qu'est-ce que c'est nul quoi! Genre, elle brûle des spaghettis dans la casserole! Mais ils sont comme ça, elle brûle le truc, ils y arrivent, ils font. Et puis voilà, putain, tu fais non! Quelle journée! Andinder! Tu l'as fait hier avec Imen, arrête de faire ça! Oh, hier j'étais tout seul! D'ailleurs, je t'embrasse, mon cœur! Non, mais que après. J'appelle jamais mon trop mignon! Vu que la ville, elle est, comme on disait, ultra fermée, ultra sombre, ultra violente et tout, c'est vrai que le décalage de revoir ces moments d'insouciance avec sa fiancée... Oui, mais il y a quelque chose de caricatural ouais. Pour moi. Ouais, ils font tout en rigolant, c'est genre... Brisé, ouais, c'est ça. Le pas possible. Non, mais je suis d'accord, mais c'est complètement... Ok, je suis d'accord, c'est pour montrer mais, mais même ça, à l'époque, je le voyais déjà. Mais le problème, c'est quand tu t'en fous. Moi, j'étais ado, j'allais avoir rien à foutre. Moi, je voyais des culs, c'est tout. Et puis de la violence. Ça, c'est ton problème d'adolescence. Des culs, de la violence. C'est bien. Ça, c'est ton problème d'adolescence. C'est bien. Mais le truc, c'est que... Oui, c'est naze, ce truc-là où tu dis genre, ouais, putain, c'est tellement gros, genre, ah, on est heureux et tout, ah, mais t'as vu, et on danse et on tourne sur nous-mêmes. Ils aiment bien faire ça, ouais, comme, ça bien compris, comme dans un clip de Benabar, tu vois. Et la casette de Benabar. Ouais, ça se case tout. Et évidemment que c'est naze, mais le truc, c'est que c'est juste là pour te raconter une histoire, en fait. Tout est là, tout est ultra putassine, ça fait 4 fois que je le dis. Mais c'est putassine dans le sens où c'est le trait est hyper grossi, mais c'est juste pour raconter une histoire d'amour hyper grosse quoi, c'est tout. C'est juste le problème c'est que c'est quand même super superficiel. Tout ce que tu sais d'eux c'est qu'ils s'aimaient et qu'il avait un groupe de rock. Ouais, c'est ça. Ça fait pas des personnages le problème. C'est ça qui m'a vraiment embêté moi dans ce film. Et bah moi je m'en fous parce que moi ça me même suffit. Les méchants, t'as l'impression que leur vie c'est quoi? C'est de vivre dans leur tour de méchants là, avec leur club en dessous. Et voilà. Les méchants ils sont méchants, les amoureux ils sont amoureux, le vengeur il est vengeur. Et tout, tu ne sais rien. C'est ça, on s'en fout. Non mais je sais qu'il n'y a pas besoin de profondeur tout le temps, mais là en fait, normalement pour motiver une vengeance, bon certes elle est morte. Pour motiver une vengeance, il faudrait déjà qu'on sache à quoi il ressemblait lui-même quand il était en vie. On s'en fout, ils ont tué sa gonzesse, ils ont tué sa gonzesse, il va revenir, il tue sa go, et il va les buter. Il revient, et du coup c'est cette espèce de mec hyper froid et tout, qui s'est perdu tout le reste. Ça manque de profondeur. Je m'en fous, les personnages j'en ai rien à foutre. Du coup c'est pour ça que j'en veux pas trop à Brandon Lee de pas bien jouer, je te disais c'est un problème de direction, c'est aussi un problème d'écriture. Comment tu veux jouer un personnage si tu sais pas à quoi ressemble le personnage? Ouais mais pour moi le film, moi j'ai... Sur l'ambiance, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, voilà, on sent que l'ambiance nous a touché. C'est un film générationnel, on va dire. On veut défoncer le film avec Panda, laissez-nous le faire. c'est notre moment. C'est vrai que moi, quand je m'attends plusieurs fois, je trouve que je m'attends deux fois, c'est vrai que c'est l'ambiance qui me faisait plaisir. Après l'histoire, je voyais très bien. Oui, oui. C'est un peu mieux qu'une série, tu vois. Ouais, mais on est pas loin quand même du film érotique sur M6. Non, j'en ai vu super bien écrit. Il y aurait des mieux quand même. Ah, c'est pas... On s'en fout de la profondeur d'un personnage, c'est que le truc c'est une histoire simple, c'est genre. L'ambiance, c'est l'ambiance avec la musique non, mais, là j'ai trollé gratuitement, mais non, c'est pas un mauvais film non plus. Je sais pas quoi dire, tiens, vas-y défends-le Romain, c'est ton rôle. C'est ton film alors vas-y. C'est toi qui as choisi là. Non, c'est un film générationnel. C'est un film générationnel avec une BO dont on va parler dans pas longtemps. C'est il y a un visuel, il y a des effets techniques derrière qui étaient nouveaux à l'époque. Donc forcément c'est pour ça que je les retiens et voilà, donc l'image, ouais, quoi, voilà. Et l'image et, et surtout la sensation qui m'a donné. Pour rebondir avec le bruit, ne tirons pas sur l'ambulance. Hein. Voilà, c'est. C'est ridicule. Donc bon, on a parlé du film en long et en large, mais on n'a pas parlé des après. La licence. Oula. On va vraiment passer vite fait. Bon, dessus, allez, on passe vite. Pas trop le coup, allez, allez, on passe vite sur la suite de la licence. Donc il y a donc The Crow, donc je sais pas comment il s'appelle là, Revelation, ou je sais pas quoi. Après ils ont accolé toujours plein de noms. C'est pas City of the City of Angel. Ouais, c'est ça. City of Angel avec Vincent Perez et je sais plus qui dedans. Bon, alors, Hip Hop qui joue dedans. Bon, le film c'est un peu jaune pisse hein, en permanence. Il est sorti en quelle année? On l'avait vu au cinéma celui-là. On l'a vu à l'époque où il est sorti au cinéma avec Nelson à Melun. Ouais. Et ben. Il était intérieurement de 12 ans et j'avais 10 ans. Et, Le rebelle. Ouais, comme quoi il y avait déjà des rebelles dans la famille. Bon, à Melun, il fallait faire des places, on était 4 dans la salle. Allez, d'accord. Et donc, le film est pas mauvais, mais on est très très loin de l'aura du premier, Là, vous dites il est bien, il est pas bien. Qu'est-ce que ça raconte en vrai? Parce que là, moi, j'en souviens pas du tout. Il a accompli sa vengeance. Et c'est plus lui, c'est. Non, c'est un autre personnage. Ah, il se passe autre chose. Ce corbeau, il va choisir quelqu'un d'autre. Non, non, c'est en fait toutes les suites. Il y a trois suites. C'est toujours quelqu'un qui est mort de quelqu'un qui est mort de mort violente, qui veut se venger, etc. Quoi. Et c'est toujours des mecs. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, d'accord. Et donc, le deuxième est pas mauvais, mais. Bon, il se laisse regarder, mais c'est vraiment si t'aimes bien les films fantastiques, si t'aimes bien si t'aimes bien la licence aussi, quoi. Si t'aimes bien la licence aussi, tu peux le regarder. Ouais. Donc, pas mal, une bonne BO aussi, ouais, par contre. Très très bonne BO. On voit Deftones à un moment donné. Oui, je suis assez content. T'aimes bien Deftones, non? J'aime un peu, ouais. cette espèce d'énorme drapeau hein, dans le salon? C'est quel album déjà? C'est White Pony. Et donc. Bon, enfin. Oh merde, les gens savent que je suis fan de Deathstone. Zut, quand je vais en sortir. Ouais, mais j'aime bien Dark Throne aussi. Et bref, et donc bon, film regardable mais dispensable. Alors, c'est pas obligatoire. Ok, okay, après il y a une série, c'est ça? Non, pas encore. Il y a encore le 3 et le 4, une catastrophe ambulante. Donc, un avec des acteurs que vous avez déjà vus dans des slashers à la con, des films horreurs et tout, etc. Dont un avec Edouard Fulon qui jouait le gamin dans Terminator 2. On n'est pas dans la merde. Qui joue un des The Crow du coup. Okay. Une horreur sans nom. Je crois que j'ai un pote, Alex, qui avait maté le film, qui m'a dit c'est une catastrophe. Parce qu'il y a une des meufs aussi qui joue dans American Pie. Okay. Qui joue dedans, c'est une horreur. Oh putain, et vous savez, pour le premier, il y a Shelly, la nana de Webster. À la base, c'était Cameron Diaz qui aurait dû. Exactement. Elle n'a pas voulu parce que petit problème de script. Trop dark. Bah, Et donc la petite fille Sarah, la meuf qui la double en français, ouais. C'est Ludivine Saigné. Ah ouais. Hey. C'est marrant ça. Il faut savoir que Nick Cave a été approché pour écrire un scénario pour le remake de The Crow aussi. Mais ça, oui, ça parce qu'il y a un remake qui est en étude depuis 10 ans. Ouais. Ah quoi, ils veulent faire un cinquième là ? Non, ils veulent un remake du premier. Et aux dernières nouvelles, c'était Jason Momoa donc, qui avait joué dans, oui, voilà. qui a joué dans ça, Aquaman. Du coup, c'est un cinquième opus. Khal Drogo dans Game of Thrones, ouais. qui devait jouer le The Crow en. Bah, apparemment, c'est toujours d'actualité. Non, parce qu'il s'est barré du tournage et qu'en fait, c'est un truc qui tourne dans les tiroirs depuis 10 ans. La pré-prod du coup, il n'y a pas de tournage. Ah non mais c'est une horreur. Voilà c'est ça. C'est une horreur ce truc. En fait j'ai l'impression que... Non mais The Crow le remake on le verra jamais. C'est pas possible quoi. C'est une horreur quoi. Donc oui, donc des suites plus ou moins intéressantes mais bon dispensables. Par contre une série télé s'est passée sur M6 à l'époque en 2002, un truc comme ça je crois, avec donc Marc Dacascos. Dans la trilogie du samedi. Non c'est pas dans la trilogie du samedi, ça passait jeudi soir à 23h. Et juste avant les contes de la crypte. Non, c'est les contes de la crypte, ça passait plus. Et donc une série télé bien, mais qui ont essayé. En plus, ce qui était intéressant dans la série télé, c'est qu'ils avaient essayé de faire les gentils et les méchants. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les gentils étaient réveillés par des corbeaux et les méchants étaient réveillés par des serpents. et des serpents démoniaques. Ah. Et donc c'était ça. Donc il y aura cette espèce de dualité de personnes mauvaises et bonnes. Qui était relevé par des animaux totems. Je connais la puissance du mal, Draven. Je peux te l'enseigner. Ou alors, l'utiliser pour te détruire. J'ai toujours été mauvais élève. Tout à coup, Jean-Michel Mimosa. C'est de la merde. C'est de la merde. Bon, bah passons à la bande son maintenant. Ah, la merde. Allez! Voilà. Allez, on passe à la VO. Tient à cœur, on m'a dit. Ben oui, j'adore. Parce que cette BO, elle commence par Burn de The Cure, ouais. qui est dans le film, donc le passage où il se maquille pour la première fois. Oui. C'est une chanson originale de The Cure pour la BO. Pour la BO, ouais. Et non, vraiment, la BO, c'est, je crois que ça a déterminé tout ce que j'écoute aujourd'hui. Ok. Il y a absolument tout. Il y a du néo, il y a du punk, il y a du hardcore, il y a du trash, il y a du rock alternatif, il y a vraiment de tout. Vraiment de tout ce que j'aime, tout ce que... Comme tu viens de dire, il y avait The Cure, il y a aussi Stone Temple Pilots. Someone take these dreams away. That point me to another day. Rollins Band. Pantera. I don't see plus cool. Elmette est super bon dans Chain aussi. Ouais. Toujours bien Elmette. De toute façon. Mais bon, du coup, ouais, c'est. Là aussi, ils ont voulu taper très fort. Bah, ça a été vendeur aussi pour le. Ça a été vendeur. C'est l'époque où il y avait toujours les BO qui portaient les films, quoi. Oui, ouais, mais si on regarde bien, on est en 94, ils ont pas sorti non plus des groupes, à part peut-être Nine Inch Nails ou Rage Against the Machine, mais ils ont pas tapé dans des groupes qui étaient vraiment. Qu'on retient facilement. Pour le grand public en tout cas. Mais à l'époque, c'était des énormes groupes. C'est ça. Peut-être aux États-Unis. Peut-être aux États-Unis, mais moi en France, c'est la plupart des groupes étaient inconnus. Au moins en 1994, Nanichina, je le découvrais. Oui, oui, oui. Ça, c'est normal. Même s'il avait sorti Plutonic Machine ou. Don Ward était plus ou moins sorti, je crois. Ah oui, c'était assez bon. Non, c'est pas 94, Don Ward, c'est pas grave. 94, ouais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, la plupart des groupes, à part Rage et Pantera, que j'avais déjà entendu. Ouais, Pantera, c'est la première fois qu'on écoutait Pantera. Pantera, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais entendu. Pantera, ils avaient déjà énormément de succès, mais aux États-Unis quoi. C'était aux États-Unis, mais moi je te parle vraiment. En France aussi. En France, banlieusards, etc., qui achètent les maillots de The Crow, t'as tout un panel du rock alternatif américain que tu ne voyais pas à la télé. T'avais la BO, t'avais déjà tout un pan du métal à l'époque quoi, ouais, c'est ça, c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque, enfin moi rock alternatif quoi, ce qu'on écoutait en plus n'était pas grunge en fait, en plus qui était pas vraiment ça nous a formé, qui était pas grunge en tout cas. Oui, c'est vrai que musicalement c'est une BO qui m'a formé. M'a formé, et en même temps c'est un truc où The Cure je connaissais déjà par les clips ou je me rappelle que de genre Between Days après ou, suite à cette BO j'avais acheté l'album qu'ils avaient sorti en 96, à l'époque on a regardé. Oui, on l'avait acheté d'ailleurs, je me souviens plus du nom. Un bon album de merde d'ailleurs, ouais. De The Cure, ouais. Oui, bah, ils ont arrêté de faire des bons albums à partir de 91 apparemment. Ouais. Donc en fait on est en train de dire que la BO elle est quand même plus marquante que le film. Vous-même qui défendez le film depuis le début, vous êtes en train de dire que non seulement ça a changé votre... Bah toi ça semble avoir un peu changé ta musique que t'écoutais. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui est plus marquant? C'est vrai que depuis le début, le film, on dit souvent pour le défendre que c'est l'ambiance et donc aussi l'atmosphère. À une époque, rock, quand t'écoutes du métal c'est plus sûr, t'écoutes Manson et tout, bah ouais, Crew, t'es obligé de le regarder, t'es obligé de passer par là. Mais le truc aussi, c'est que les musiques sont quand même très très mises en avant aussi dans le film. Ouais. C'est que t'as beaucoup de groupes qui sont sur la BO, et qui jouent en live parce que dans la chanson. C'est les fameux passages qui servent à rien dans le film et qui sont clips, comme il disait, où il y a des moments où on voit dans le club. Ah, je pense même pas ça. Ouais, mais ça, même moi, je pense à ça. T'as la scène où ils se maquillent, comme tu l'as dit, t'as The Cure, ou. Ouais. Quand ils sautent d'immeuble en immeuble avec Nine Inch Nails, la reprise de Joy Division. Ouais, voilà, un magnifique reprise. Mais du coup, tu te demandes s'ils ont, quand ils ont écrit le script du film, s'ils ont fait exprès en se disant là, on va mettre la chanson de Nine Inch Nails. Oui, du coup, ça. Et il faut qu'on crée une scène autour de la chanson de Nine Inch Nails. C'est limite ça que tu te demandes. Je pense que ça a été un tout. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je pense qu'il y avait les musiques, l'idée et tout, c'est-à-dire l'imagerie. Et en fait, tout a été combiné ensemble. C'est comme ça. À l'époque, ils aimaient bien faire ça. C'est pour ça que je défends ce film. C'est même. Vas-y, ouais. Non, c'est pas, je dis ça parce qu'en fait, c'est le côté, genre la musique, l'image, etc., tout a été fait à la fois pour te faire un produit vendable pour tous les adolescents, mais en même temps pour te faire un truc honnête. Ouais, voilà. Ok. C'est honnête, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est un produit. Donc la musique, les groupes, ça crédibilisait le film, on va dire. Voilà, ouais. Ou même à l'époque, t'avais Tuarné aussi, où t'as beaucoup de passages clips avec pareil, une bonne BO géniale et tout. Bibi. Tu veux que je t'en mette un coup, chérie? Tu veux? Vas-y, cogne, enfoiré, cogne! Mais c'est l'époque de ce film aussi qui est sorti, qui s'appelle Judgment Night. Ouais, voilà. Qui n'est connu que pour sa BO, qui est une excellente BO. Avec les groupes de métal et de rap. Ouais, de métal et de rap. Une bonne BO, mais en fait personne ne se rappelle. Et t'avais Spawn aussi, ouais. pas vu du coup. Mais... Alors, c'est pareil, un autre problème. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait avec des métal avec des poupées gros. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? J'adore le comics. Bonne salle et tout. Prodigis. Ça doit être affreux, non? Avec. Non, j'aime beaucoup. C'est très 90 quoi. C'est vraiment métal indus. Voilà, ouais, ouais. Il y a de bons morceaux. Il y a Slayer avec je sais plus qui. La mode Spawn et. 99. RS, par contre. C'est pareil, ça fait partie de ces films, The Crow et donc les autres films dont on parle, ils font partie de ces films où c'est du marketing, ils veulent te vendre un film et un album, ils veulent te vendre les deux. Ouais. Ils veulent que t'ailles au cinéma, mais ils voulaient pas ta gueule parce que la BO était quand même. Et donc, du coup, l'album derrière, les mecs avaient mis du fric derrière pour faire jouer des groupes, leur demander ouais, tu nous fais un morceau original, ou tu vas jouer avec tel gars. Pour faire tel morceau, etc. Il y a vraiment une volonté. Ça, ouais, c'est un peu. Il y a plus trop ça, mais même les films de merde, genre, souviens-toi l'été dernier, la BO, je me rappelle, on l'avait offert. Mais oui, la BO, elle est géniale, souviens-toi l'été dernier. Il y a du typo, il y a tout dedans, quoi. Le film est nul, hein, mais... Ouais, mais je suis en train de me demander aujourd'hui si c'est vrai que ça... Non, ouais. Comme vous le dites, si ça a bien changé comme ça, mais vous êtes tout à fait, en fait. Aujourd'hui, avant, c'était peut-être énormément aussi, ouais... Aujourd'hui, ce qui marche, c'est les BO, le compositeur original, tu vois, comme le scénario des années... Oui, par exemple, Hans Zimmer, qui va faire des concerts, ou des choses comme ça... Il fait des BO. Déjà, à l'époque, il y avait des super... Non, il y avait des BO qui étaient... Qu'est-ce qu'on racontait? Il y avait des BO qui étaient connus, mais par contre, à l'époque. C'est les Graham Ravel, tout ça. Les compositeurs ne jouaient pas encore en live. C'est ça que je veux dire, c'est que oui, il y avait des bonnes BO. Hans Zimmer était déjà un très bon compositeur, ou James Horner, ou des comme ça. Mais par contre, aujourd'hui, c'est des mecs, ils passent en festoche, quoi. Ils passent en festoche, et puis ils jouent leur musique les plus connue, etc. Ou les Goblins. Bon, les Goblins, c'est autre chose, parce que les Goblins jouaient déjà en live, c'est déjà un groupe de rock, tu vois. Qui marche, c'est les BO de compositeurs, qui ont composé de A à Z les thèmes et tout. Voilà. Et dans les années 90, on voulait une compile avec la thématique du film derrière. Quoi. Et The Crow remplit absolument toutes les cases. Ouais, voilà. Toutes les cases. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit bourrin, il faut que ça soit violent, il faut que ça soit goth, il faut que ça soit sensible, etc. etc. La BO est parfaite pour le film qu'il est. Voilà, après, ouais. Parfaite pour. C'est un autre problème. Mais en tout cas, elle colle complètement avec l'idée du film. À l'époque aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est industriel, c'est urbain, c'est sale, c'est. Enfin, il y a plein d'adjectifs que tu peux te sortir, mais en tout cas, tu prends le film, la BO, ça colle. Ouais, t'as un package. T'as un package. Metal Goth des 90, quoi. Vous vous rappelez. Un peu comme Trainspotting aussi. C'est vrai. Très bonne BO. Ouais. Et ouais. En 2000, il y a une Mission Impossible aussi. Mission Impossible 2, pardon. Avec Limp Bizkit et Metallica. Et Metallica, ouais. Rob Zombie. Alors c'était très marrant parce que justement. Les Battle Surfers, The Pimps. Parce que pour l'époque, il y avait. Il y avait même Godsmack. La BO de Cable Guy. La BO de Cable Guy aussi. Cable Guy avec Jerry Cantrell. C'est quoi, c'est disjoncté? C'est disjoncté, ouais. Putain. La BO, elle est ouf. Elle est ouf. Mais elle est géniale. Je l'ai vu quand j'étais petit. C'était en 96, ouais. Mais pour revenir sur Mission Impossible 2, il y avait un truc qui était assez intéressant parce qu'en fait il y avait à la fois il y avait Metallica et donc Limp Bizkit est sorti des singles. Et en fait pour le marché américain c'était Limp Bizkit qui était le groupe qui avait fait la BO. Et en Europe c'était Metallica. Donc en fait il y avait deux groupes qui étaient mis en avant. Qui avait fait la BO exprès pour le film, mais qui était vendu pour deux marchés différents. Et c'était quoi la chanson de Metallica? C'était I Disappear. I Disappear. Une chanson pour. Un grand titre. Il la joue tout le temps en live. Ah bah ça. On rappelle après Master of Puppets. Ah oui. Plus mauvais, ouais. Ils auraient dû mettre Whisky in the Jar, quoi. Ouais, ça aurait été plus simple. Ça aurait été à moins foutu. Bon, mais arrête, j'aime bien celle-là. C'est la reprise. C'est un Simidi. Mais oui. Ah, Simidi, c'est génial. Non, mais Garaging, qui est très bien, celle-là. Je la mettrai à ce moment-là, d'ailleurs. Et le morceau des biscuits, ouais, très non, bien ouais, aussi. Mais la mélodie de The Crow, elle est pas mal. Et c'est vrai que moi, je vous le dis là, la BO... De but en blanc. Je vous le dis de but en blanc. Tu me dis là maintenant, là, BO, elle m'engage plus que le film, quoi. Et finalement, ouais, moi, je trouve que t'as un meilleur instantané. Enfin, t'as un instantané plus digeste quand si tu te mets la BO. Si tu te... Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais plutôt que si tu regardes The Crow... Après, non, on te le vend parce qu'on est nostalgique de l'avoir vu à une époque. Bien sûr. Oui, il y a un effect avec. Que ça peut valoir le coup aussi. Et toi, Romain, en fait, tu nous as dit qu'à l'écoute de la BO The Cure, justement, tu t'y es intéressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, toi, Nelson, oui, ça t'a fait la même chose avec qui, par exemple, quoi? Est-ce que Helmet, tu connaissais déjà à l'époque, quoi? Ah bah non, voilà. Tu sais, moi, à l'époque, j'avais 8 ans. 8 ans. Et quoi, tu connaissais pas Helmet? Non, bah j'ai connu avec la BO, du coup, quoi. Et The Cure, bah The Cure, j'avais chopé l'album, enfin, chopé, c'était, on l'avait mis dans le cadre de la grand-mère, peut-être, un truc comme ça. Ah, un truc comme ça, ouais, je pense qu'on l'avait acheté. C'était le plus mauvais album, bon, c'est la première chanson de The Cure que j'écoutais, tu vois. Bon, j'ai pas acheté des intégrations et tout. En fait, le truc, c'est que c'était quand même. Premier pas. Mais ça fait, voilà, c'est ça. Non, mais c'était vraiment l'époque avec Nelson. Nelson, où moi, j'étais à fou. La musique, c'était vraiment un truc où je découvrais autre chose que ce que la télévision le top 50, tout ce que tu veux, te présentait. C'est vrai que Nelson, derrière, comme c'était mon petit frère, donc forcément, il suivait parce qu'il était plus petit. Et donc, tous les deux, on est allés dans ces trucs-là, ensemble, à trouver des albums, des CD, etc. Ouais. Quoi. C'est vraiment ce qui nous a. Moi je sais que Nelson après beaucoup plus tard m'a dit ouais putain j'écoutais ça ou j'écoutais tel groupe ou comme j'écoutais ça bah forcément machin. On a vraiment commencé à avoir cette curiosité musicale de se dire putain mais il y a autre chose que cette merde qu'on nous propose tout le temps. De toute façon on ne propose rien parce que bah vous écoutez la radio quoi. Bah non justement c'est... moins enfin oui on l'écoutait on regardait la télé, on regardait les machines, oui, ces conneries là. Mais à côté un peu de respect pour lui, Machine, hein. C'est grâce à eux qu'on a un logo. C'est vrai. Et un nom. Merci, Charlie. Après, on prêtait des CD, mais c'est vrai que cette compil-là, cette BO, quand même, nous a. Ouais, c'est ce qu'on a vraiment mis dedans, quoi. C'est vraiment le truc, on s'est dit, putain, mais il y a autre chose que cette merde qu'on nous propose à droite, à gauche. Et ça nous a parlé tout de suite. Et ça nous a parlé, quoi. Ouais. Et sans réflexion, comme on peut l'avoir maintenant aujourd'hui avec le recul. On est allé à fond dedans, quoi. Genre un mec maquillé en noir et blanc qui voilà, tue des gens, ouais, et qui fait de la gratte, violent, avec une BO, ce film il va très bien. Hein. Avec une BO démente, oui, bah oui, on est allé à fond dedans. Ouais, voilà, c'est ça. On est allé à fond dedans, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore, la seule image tu vois, qui conceptualisait ce qu'on voulait. Ouais. Tu vois. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu plastique avec le temps, et dans le sens où. Ça l'est. Tu vois les ficelles derrière des marionnettistes, en fait, quand tu vois ce film. Oui, mais c'est clair que ça dit. Et que tu l'avais jamais vu. Mais c'est intéressant pour voir ce que c'était un blockbuster à l'époque. De quelque chose qui avait. Et un blockbuster surtout sombre, noir, quoi. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ouais, on te vend pas ces trucs-là. Bah, il y a quand même des choses. Dans les années 2000, Sin City, c'était un peu ça quand même. Sin City, je pense que c'est le dernier bastion de ce truc-là. C'est vraiment le dernier film où. Qui est à la fois grand public et sombre, tu veux dire. Ouais, voilà. Romain, toi, tu te rapprocherais pas plutôt, en fait, tu dis le dernier bastion parce que tu t'identifies énormément, en fait, à tout l'univers Batman aussi, non? Ouais, mais même, les derniers Batman sont pas aussi, même les derniers Batman sont pas aussi sombres que ça, quoi. Non. Moi j'attends le prochain le film là que comment il s'appelle là, le gars qui a réalisé Very Bad Trip, qui va réaliser un film sur les origines de Joker avec Joaquin Phoenix. Mm-hmm. Là, pour le coup, on va avoir un film sur les origines du Joker dans les années 80. Les quoi les origines du Joker dans les années 80. J'entendais les angines. Les angines, ouais. Les angines. Je suis dire, tout le moment où il est malade. Grand film médical. Très grand film médical. Non, genre, il y a Joaquin Phoenix qui va jouer le Joker dans les années 80 avec un look années 80 dans New York, etc. J'ai vu des photos. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va retrouver un petit peu cet aspect. Bon, très. Avec beaucoup de fric dans la production. C'est les effets qui nique ce charme années 90 de ces films-là. C'est que c'est pas fait à l'époque, on veut reproduire ça. On voit ça maintenant. En fait, Ça, c'est le revival années 80-90 qui nous inonde depuis maintenant une dizaine d'années. Avec la synthwave ou des trucs comme ça, aussi, par exemple. Voilà. Ou même, par exemple, des remakes de Halloween ou des voilà. trucs comme ça. On est un peu bloqué là-dessus. On est un peu bloqué là-dessus, et c'est vrai qu'il y a ce truc où The Crow, il fait partie de ces films un peu oubliés, quoi. C'est-à-dire un peu... Ouais, mais t'avais quand même des films qui étaient honnêtes, quoi, qui valaient ce qu'ils valaient, ils avaient leurs défauts, mais ils étaient raccord avec leur époque. Avec les moyens, Tu re-regardes aujourd'hui un Point Break, par exemple, qui est fait un petit peu pour la même jeunesse, un petit peu près aux mêmes années. Parce que Point Break, c'est... C'est un super film. Encore aujourd'hui, tu le revois, justement, tu te dis, il y a des choses bien, parce que les personnages sont fouillés, parce que les choses sont travaillées. Là, c'est un peu je trouve que c'est un peu une adaptation... Voilà, ils ont dû travailler avec James O'Barr pour que ce soit fidèle à sa réalisation de base, à son comics, mais ils n'ont pas spécialement cherché à faire... Oui, bon là par contre c'est embêtant parce que c'est vu pour du cinéma, il faudrait que ce personnage, on lui donne un peu plus de caractère ou quoi. Ils ont transféré ça sur le flic en fait, un petit peu. C'est lui qui a plus de profondeur que la plupart des autres personnages, ouais, alors que c'est qu'un phare d'humanité, de lumière, ouais, mais c'est normal parce qu'en même temps qui a des problèmes avec son patron et tout machin, ouais, voilà, en plus avec son ex-femme qui lui parlait, ouais, voilà, ça, alors que le film s'appelle The Crow et tout, et on sait pas grand chose finalement sur lui, quoi. C'est comme si on faisait un film sur Batman et on passait le film à esquiver Batman, et qu'au fond le mec dont on parlerait toujours, ce serait son majordome, un truc comme ça, je sais pas. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui est bizarre, en image du mec qui est stylé, qui oui, il y a un côté stylé. Donc il n'a pas besoin d'avoir. Ouais, voilà, c'est bon, ça. Bah, il n'a même pas besoin d'avoir d'histoire. Je pense qu'on peut conclure. C'est, hein. Ouais, c'est clairement ça. Ouais. Ouais, on peut conclure. The Crow, dommage que ça soit un peu superficiel. Parce que c'était quand même bien parti, même si l'idée de base était simpliste. Bon sens, moi, si l'idée était simpliste, on gardait quand même une certaine poésie et un univers musical c'est bien ça. Marqué et qui sublime porte, en fait les années 90, ouais, ouais, ça porte un peu le film. Ouais. Et ça c'est un peu mon ressenti. Toi Nelson, t'en penses quoi toi? Qu'est-ce que tu dirais pour la fin? Bah, c'est un film qui m'a marqué à l'époque parce que c'est une culture, au niveau de l'imagerie du film ça me parlait à fond, quoi. Et la BO, après je trouve ça vieillit, hein, clairement. Je l'ai rematé avant-hier. Mais après c'est le côté nostalgique, tu vois, je l'aime bien le film là pour ça, quoi, en fait. Mais clairement ça a ses défauts, mais bon, je l'ai vu il y a plus de 20 ans, donc... Et toi Romain, tu le recommanderais chaudement? Ah bah oui, ouais. Bah, je pense que c'est clair, je pense que les gens je pense que les gens, s'ils arrivent à ce moment-là du podcast, je pense qu'ils ont compris. Ouais, c'est vrai. Une chose pour laquelle il faudrait regarder ce film, Romain, parce que depuis le début tu m'as dit que c'est génial, mais vas-y, si tu devais être synthétique... Il y a la meilleure raison, je sais, mais justement, essaye de l'être, la meilleure raison pour laquelle il faudrait regarder pour Michel qui nous écoute là, sur le podcast. Salut Michel. La meilleure raison, ce serait que c'est un film qui est témoin de son époque, visuellement, musicalement, etc., qui a pris peut-être un coup dans l'aile, mais qui reste témoin. Et il faut être indulgent envers ce film-là. C'est-à-dire qu'indulgent par rapport à l'époque, quoi. Et ce qu'il représente, en tout cas. Je pense que c'est un film quand même pivot dans une certaine culture musicale, ouais, qui ça. Nous parle à tous, chacun autour de cette table. Et qu'il faut au moins le regarder pour ça. Au moins pour avoir ce truc-là. Cette image, cette idée que tu pourrais te faire d'un gamin dans les années 90 qui découvrirait un univers goth, sombre, ouais. Noir, violent, etc., quoi. Je pense que c'est pour ça qu'il faut regarder. Qui cristallise quelque chose, en tout cas. Et toi Théo, tu pas de regret de l'avoir regardé juste pour regret, l'occasion moi, aucun regret, moi c'est le genre de film à la base où je savais que de toute façon à titre personnage j'avais pas passé forcément un mauvais moment, mais je trouve que moi ma raison pour laquelle je dirais qu'il faut le regarder c'est pour avoir un aperçu de comment on vendait un film aux garçons adolescents en 1994. Du coup tu vois à quel point ça a changé aujourd'hui, comment on market les trucs pour les adolescents, à quel point notre la pop culture a changé, à quel point la musique a changé, à quel point c'est les phrases c'est le teaser ont changé. Ce teaser peut-être. Ce film, non, c'est un mauvais mot parce que ça se voulait pas être un. Ah, tu veux dire que notre société ce serait assez. Non, pas oui. Du tout. Notre société a juste changé aujourd'hui dans sur la BO d'un prochain film. Il y aura sans doute plusieurs artistes différents, mais sans doute que s'il y a des guitares, ce ne sera pas des groupes à guitare. Quoi. Là, c'est quasiment que des groupes à guitare avec des machines, parce que ça induit, c'est tout. Okay. Et non, Romain, tu n'auras pas le CTU avant. Mais même dans le film, ce qui symbolise en fait, et toi, ce que tu as ressenti en tant qu'adolescent, que tu étais prêt à péter la gueule à des gens qui auraient fait du mal à une fille pour laquelle tu serais amouraché, et que ça aurait pu être une inspiration dans The Crow pour ça. C'est pareil, c'est. Regardez ce film pour vous faire l'idée de comment on voulait parler aux adolescents et ce qu'on leur donnait en leur disant, voilà, pour exciter leur fantasme de défendre de leur copine ou ce genre de choses. Voilà, de côté prince chevalier. Voilà, exactement, cette espèce d'histoire chevaleresque, romantique, adolescente, mais en fait, au fond, avec des viols, des usis. Et beaucoup de violence. Voilà, beaucoup de violence. Et surtout. Violence. Des méchants qui portent les mains jointes comme ça quand ils parlent pour avoir. Et surtout, retenez que pour être un tout. Vrai méchant, il faut manger des yeux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ça c'est génial. C'est clair. Jamais de mauvais méchant. En sniffant de la coke. Les fait cuire avant. Ouais, en sniffant de la coke et en les faisant cuire. Il y a des énergies qui se rassemblent contre toi. On dit que voir c'est croire, non? Pendant que ta copine asiatique se love langoureusement contre sa sœur, hein, sa sœur copine, ben, oui, putain, c'est sa sœur, voilà, très clair, ils ont même papa, ils ont même papa visiblement de ce qu'ils disent. Moi j'ai pas eu le livret de famille. Hein, non. Bon, bah merci à tous d'avoir participé, puis d'avoir merci. Donnez votre avis. Merci Caroline de nous avoir invité. J'espère qu'on fera la fin. Avec plaisir, je pense qu'il y aura forcément un hors-série supplémentaire. On pourra peut-être faire un bon film la prochaine fois en plus. Ouais. Les méchants, Romain, en fait on vous dit pas mais Romain est tout rouge depuis le début de l'enregistrement. Il est trop vénère. Romain il est en train de se mettre du maquillage devant son miroir. Il a fui de ses couteaux. Il a sorti les New Rock. Et attention là je me maquille. Ça, c'est guitare électrique. C'est dans son manteau HM. Bon, on fera peut-être un personnage plus badass la prochaine fois. Ouais, peut-être. S'il y a un personnage. S'il y a un personnage, peut-être. Si, en tout cas, un film qui aura, pareil, une inspiration musicale ou qui parlera de musique. Enfin, voilà. Et dis-nous. Donc, ce sera Rabbi Jacob, très probablement. Oui, voilà. C'est ça. Bon, vous étiez sur le Riff Machine. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous, à bientôt.